Cette émission est sponsorisée par HongKongStyle.fr, société de vente en ligne de produits dérivés, toys, goodies et accessoires mobiles dans le monde des comics, films, séries TV, jeux vidéo et mangas. HongKongStyle. Bonjour et bienvenue dans ce 15e épisode de Flashpoint consacré au mois d'octobre 2015. Alors donc l'équipe habituelle est avec moi, avec Vinch. Salut, salut. Spectra. Bonjour à tous. Et notre invité Cédric aka Grey Pigeon. Salut. Donc t'es un de nos fidèles auditeurs et également on est colocataire sur le chat de Comic City quand ils font leur podcast en direct. Donc écoute, présente-toi. Quoi dire? Je ne sais pas, je suis un célèbre auditeur, voilà. Ok. D'accord, ok. Bah, tu lis de tout en fait, tu lis du Image. Je lis principalement du DC et du Image, très très très peu de Marvel. Ouais. Parce que j'ai bon goût. Ça commence, voilà. Ouais. D'accord. Ok. Donc, vous allez tous bien, les gars? Bah, ça va super. Tranquille, ouais. T'es allé à la Paris machin chouette, Vinch? C'était bien ouais. Ou pas? Ouais, c'était bien. Maintenant, c'était spécial, quoi. Est-ce que t'as fait la queue pendant 2 heures pour avoir une photo pour 30 € avec le mec qui faisait Cyclope? C'était pas le mec qui faisait Cyclope, c'était le mec qui faisait Iceberg. Ah, le mec qui faisait Iceberg. En fait, j'ai pas vu du tout j'ai pas été à ces trucs à ces panels parce que je m'en foutais un peu, en fait. C'est-à-dire, le mec qui jouait à Iceberg il y a 10 ans, il y a dans un film X-Men, voilà, quoi. Moi, je trouve ça dingue que les mecs soient prêts à payer 30 € pour ça. Et. Je savais même pas que c'était payant, en fait. T'as vu Squeezie? Non, c'était le dimanche, moi je suis parti plus tôt, mais non, j'ai pas vu Squeezie. Ok. Bon, bah tant pis. Tu voulais le voir? Non, je m'en bats les couilles, c'est... Putain, non, j'ai juste fait l'article dans 3 plombs pour avoir une signature de Miller et c'est tout. Et d'Azzarello et... Ah, t'as réussi à avoir Miller et Azzarello? Ouais, il m'a quand même fallu 3 jours pour l'avoir, mais sinon j'ai réussi. Et sinon j'ai fait quelques dédicaces d'auteurs plus indépendants, comme Kingston, le gars qui a dessiné GLA... qui était fait chez Urban il y a pas longtemps. Et, c'est qui le mec? J'ai pas. J'ai sûrement écorché son nom, mais c'est ouais. Barry Kingston ou Kingston. Ah, c'est ça, Barry Kingston, ouais, qui avait fait sur GLA volume 0 là, Year One. Voilà, c'est ça. Lui, j'ai fait une dédicace de lui, puis 2-3 autres auteurs indépendants, puis qui ont fait du Star Wars à l'époque, et un peu de DC. Et t'as chatté alors? T'as chatté avec machin là? Avec Frankie? Avec Freddy Krueger là, comment il s'appelle? Frank Miller. Ouais. Ouais, écoute, le gars, il m'a serré la main, il était tout content parce qu'en fait, il se foutait de la gueule de mon prénom, je crois, parce qu'il m'a demandé, Vincent, si c'était français. Et j'ai dit, ouais, elle a appelé son assistante pour dire, t'as vu, il s'appelle Vincent. Et il se foutait de ma gueule, je sais pas, ils se sont tapés des barres et, il m'a dit merci, et il m'a serré la main. Je crois qu'il s'est un peu foutu de ma gueule, j'ai pas tout compris, mais. T'as payé et il s'est foutu de ta gueule en plus. Ah non, j'ai pas payé. C'était gratuit, d'accord. Ouais. Il a l'air fatigué, par contre. Ouais, il est super fatigué et, voilà, j'ai bien sa confiance sur, Master Race, c'était pas mal. T'as compris, genre? T'as compris? Ouais, en mais anglais, il y avait un traducteur. Ah, d'accord, ok. Ah, il y avait les sous-titres. Parce que les Français, en fait, moi, vous croyez que moi, je parle pas bien anglais, mais dans la salle, il y avait pas des masses. Il y a même des mecs qui essayaient, en freestyle de parler anglais. C'était pire que moi, niveau accent. Le mec allait lui dire, pouvez-vous le dire en français, s'il vous plaît? Parce que, ils ne comprennent pas. Parce qu'en fait, le problème des Français, c'est qu'ils complexent, en fait, et au lieu de parler en anglais avec le même ton qu'en français, ils veulent faire genre, c'est des Américains, tu sais. Et donc, ils prennent des accents de l'autre monde, et même un Américain, il comprend pas, en fait. Tu vois ce que je veux dire? Oui, je sens que tu vas voir tu vois ce que je veux dire. Ouais, voilà, je vois tout à fait. J'essaie de m'adapter, mais voilà. Ok, bon, d'accord. C'était pas mal, les panels étaient pas mal. Sauf le panel One Air Boss, c'était de la merde. En fait, les mecs, ils ont mis volume à fond, les résumés de toutes les séries DC CW, et ils ont mis l'épisode 1 de Flash en vue aussi titre FR. Voilà, ils étaient contents. Et par contre, t'as vu le premier épisode de Jessica Jones? Ouais. Alors, ah putain. J'ai kiffé, c'était franchement il était hyper bien fait, c'est dans la même veine que Daredevil, mais j'ai encore préféré Jessica Jones parce que le ton est beaucoup plus film noir un peu avec les musiques et le ton qui donne un peu comme dans les films genre des années 60, 70 à l'époque américaine, c'était pas mal du tout. D'accord. Ouais, ça promet du très bon. C'est un truc beaucoup plus mature et adulte aussi. C'est pas, il y a pas d'humour. C'est si ceux qui aiment pas, enfin genre comme toi, Wally, qui est pas trop fan des conneries qu'on voit au cinéma du MDCU, ben, je pense que ça va plus te plaire ça. D'accord, ok. Ouais, de toute façon, je pense que je vais mater ça, c'est sûr. Ah, si c'est dans la lignée d'Ardeville, ça devrait être pas mal, hein. Ah ouais, c'est C'est clair. dans la même lignée, un peu plus dark encore. J'ai trouvé le premier épisode. Donc c'était pas mal du tout. On va dire que c'était le gros point fort de la convention, c'était ça et la convention Master Race et Miller. Sinon, à part ça, c'était pas très comics. D'accord. Ouais, c'est ce que tout le monde disait à peu près, apparemment. Ok, bon, on va attaquer avec les news cinéma. Donc, il n'y a pas eu grand-chose. Donc, on a eu des photos, là, ces derniers jours, du magazine Empire, où donc on a vu Harley Quinn, Deadshot, l'Enchantress, et le quatrième, je sais plus qui c'était. Le Joker? Ouais, le Joker, bah voilà, c'est ça. Ouais. Ouais. Voilà, bon, bah, j'ai pas grand-chose à en dire. C'était des belles photos, j'ai trouvé. Votre avis? Ouais, c'était cool. Ouais, voilà quoi. Non, elles étaient belles et tout, c'est vrai, ça fait la Ouais. promo, quoi. La première photo qu'on avait vue, la toute première avec la photo d'équipe, elle faisait un peu peur. Et je trouve que ces photos-là se donnent un peu plus envie de voir le film. Ça fait moins cosplay, ouais. Ça fait, Ouais, ouais, c'est clair. carrément. Ça, des photos en situation donnent plus envie. Ça a l'air plutôt pas mal. Maintenant, après, bon, j'espère que le film sera pas décevant, hein. Ce sera une bonne petite série B, j'espère. Ah, pourquoi une série B? Non, ça peut être. Bah, non, j'espère que ce sera. Ouais, mais j'espère que ce sera justement un film qui se prend pas au sérieux, un bon film d'action. Voilà. Je m'attends pas à un truc très épique. Ouais, ça. Moi, je pense que ça va être assez épique et assez beau. Hein. Le dernier film que j'ai vu de lui, là, c'était. Ouais, justement, c'est pour ça que je disais série B, hein. Ah, bah, film d'action bien bourrin, bien. C'est pas Ouais. péjoratif dans ma bouche, série B, hein. D'accord, ok. Ouais, nous verrons ça. Ensuite, ben pas grand-chose d'autre. On a eu un site LexCorp. Donc si tu veux, si vous voulez aller voir, c'est LexCorp.io. Donc voilà, c'est où ils disaient avant la New York Comic Con, en gros, que le Wi-Fi était offert par la société. Et donc voilà, sur le site, il y a une vidéo à la con, vite fait, et il faudra attendre l'hiver pour peut-être avoir d'autres ajouts. Vous avez vu la vidéo? Non? Oui? Non, Non? Non. j'ai pas vu. Par contre, Ouais. je crois que le site a été sorti au moment de la Comic Con à New York, si je ne me trompe pas. C'était C'est ça, ouais, la New York Comic Con, ouais. ils s'en étaient servis pour faire la promo du film auprès de tous les gens qui étaient là. Bah, le Wi-Fi sur la Comic Con était offert par LexCorp. Voilà, c'est ça, ouais. Et là, il y aura des mises à jour, enfin des mises à jour. Je sais pas, ils disent que de revenir pendant l'hiver, donc peut-être qu'ils vont faire d'autres trucs cet hiver. Donc, ouais, voilà, rien d'extraordinaire. Après, donc, pendant la New York Comic Con, qui était pas extraordinaire non plus pour DC, on a appris qu'il y aurait un nouveau film Lego DC Justice League Cosmic Clash pour janvier. Bon, voilà, ça peut être sympa comme les autres, quoi. Moi, ça me fait rigoler ces dessins animés, même si je les mets en fond sonore, on va dire, parce que j'ai du mal à me concentrer là-dessus. Et le dernier truc qui a rien à voir avec le ciné, mais bon, c'est donc le retour d'Arkham Knight depuis mercredi 28 octobre sur Steam. Et donc tous les mecs qui l'ont acheté ou qui comptent l'acheter avant le 16 novembre, ils auront offert toute la série Arkham, donc Asylum, City Origin et Blackgate. Donc voilà, si vous voulez faire une affaire, si vous n'avez pas les jeux. Et voilà. Donc apparemment, j'avais vu des commentaires sur un forum que même le nouveau jeu sur Steam, il a quand même pas mal de bugs encore. Donc après, moi, je l'ai pas, donc j'ai pas eu d'autres retours. Tu l'avais sur PC, Cédric, ou pas celui-là, non? Non, même pas sur console. D'accord. J'ai joué aux deux premiers, mais voilà, je me suis arrêté là. Moi, je l'ai testé là, le dernier sur Play 4. J'ai joué 10 minutes, ça m'a pris la tête avec la Batmobile là. Il faut sans arrêt descendre pour ouvrir une porte, pour machin, pour prendre la voiture. Ouais. Ça m'a vite gavé en fait. Mais bon, je pense que j'achèterai quand même. J'attends la version Game of the Year. Ouais, t'as raison, c'est clair. Anti-DLC. Ouais, c'est clair. Vous avez autre chose à rajouter, les gars, sur cette magnifique partie cinéma? Il Pas y a pas beaucoup de grand-chose de trucs cinéma plus, quand non. même, en fait. Pardon? Il n'y avait pas beaucoup de news cinéma quand même. Ben non, il n'y avait rien, Dis-moi. hein. Hormis. Bah ouais, c'est très pauvre, en fait, en ce moment. Ah ouais, les gens, Donc, ils non. étaient occupés à traiter le trailer de Star Wars, image par image, seconde par seconde, et à apporter des théories. Je sais pas si vous avez vu un peu. Mais je pense Non, que moi, c'est je. pour ça que Warner aussi a été très calme ce mois-ci, parce que tout le monde est acharné sur Star Wars, donc. J'ai maté le trailer plein de fois, mais j'ai pas lu les analyses, parce que les analyses avec les pseudo-théories, c'est jamais trop productif. Ok, bon bah on va passer aux news séries télé, Spectra. Et oui, alors on va attaquer par une rumeur assez sympathique qui concernerait une éventuelle série TV Watchmen sur HBO avec Snyder qui serait dans le coin pour la réalisation. Alors, je sais pas si, je crois qu'il serait producteur, non, il disait. Je sais pas si vous avez vu. Oui, producteur, ouais, c'est la prod. Ok, ouais. Alors, votre avis, les gars, un peu d'enthousiasme quand même. Vinch. Ouais. Yeah. Wow. Ok, La hype. D'accord. ce que je trouve moi vraiment excitant avec cette nouvelle, c'est le fait que ce soit sur HBO. Ouais. Parce qu'on pourrait avoir un Watchmen vraiment dark, vraiment violent, comme il faut, plutôt que sur un network. Après, le fait que ce soit Snyder, moi ça me fait un peu peur. Je suis pas un grand fan de Snyder, donc. Ouais, mais de toute façon, avec tout ce qu'il fait, je pense qu'il sera juste là en tant que Là, pour consultant ou toucher son quoi. chèque. Il va pas faire grand-chose, hein. Il est quand même Pour bien peut-être là occupé, pour le le premier mec. épisode aussi. Ouais. Ouais, pour donner la patte graphique, ouais, moi j'ai du mal avec avec la photo de ces films, non. Mais bon, le fait que ce soit HBO, ouais, c'est plutôt une Ouais, bonne ça. nouvelle. Ouais. Ensuite, Spectra. Eh bien, j'enchaîne avec Mark Hamill, donc Luke Skywalker. Qui sera de retour dans la saison 2 de The Flash et qui reprendra le rôle du Trickster. Ouais, bah l'épisode de la saison 1, il était marrant, il y avait plein de clins d'œil. Donc ouais, pourquoi pas. Je te demande pas ton avis, toi Cédric, tu regardes pas Non, Flash, tu détestes. non. T'inquiète, on va te spoiler après. Vous pouvez y aller, hein. Et Ensuite, bon, ouais. ensuite Paul Rubens, donc qui a joué dans Batman le défi, dans Blow, dans l'étrange Noël de Monsieur Jack, rejoindra le casting de Gotham et il incarnera le rôle du père du pingouin, rôle qu'il avait déjà, je crois, dans Batman le défi. Ouais, c'est ça, ouais, il y a un délire comme ça, ouais. Ouais, bon. Ok, ouais. Ça a pas autant d'impact que le père de Barry, je trouve, dans Flash, mais bon. Ouais. Pourquoi pas. Et ensuite, Nathan Darrow. Donc Mitchum de House of Cards qui va interpréter Freeze. Mitchum, c'est lequel déjà? C'était le garde Mitchum, du c'est corps. l'un du corps Bi. Ah oui, qu'à un moment donné, ils font un truc tous les trois, là. C'est ça. Ouais. Tape le mec. Enfin, voilà. Et il atterrit à Gotham, lui. Ouais. Et il Oh atterrit à putain, Gotham. le pauvre. C'est triste pour lui. Bah carrément, une Ah carrière bah, la gâchée, c'est ça. déchéance. Bah ouais, c'est chaud. Ouais, Le ensuite. mec qui méritait pas de finir comme ça, quoi. Mais bon. Bah Non, il il a au jouait moins bien, House of quoi. Cards, quoi. Ouais, Mais il y a des voilà. gens qui regardent encore Gotham? Ouais, je regarde, moi, je me fais du mal. Ah la vache. Ouais. Ensuite, Henry Ensuite. Tcherny, là, comment il s'appelle lui? Ouais, Ben, je te Henry remercie de l'avoir prononcé, du coup. C'est ça, Henry Tcherny. Qui a joué dans Revenge et les Tudors et qui sera Toyman pour la série Supergirl. Ouais. Ouais. On passe au suivant, hein, Chris Vance, donc qui jouait le transporteur dans la série Le Transporteur, aura un rôle régulier dans la série Supergirl. Pour l'instant pas connu, mais on tablerait sur Non, qui serait un officier de Zod. Ouais. Ok, je sais pas qui c'est, j'ai jamais vu cette série. Super. Connor Oak, qui sera dans la série Legend of Tomorrow, mais qui ne sera apparemment pas le fils d'Oliver Queen. C'est plutôt une bonne nouvelle, Vinch. Pourquoi? Bah, je sais pas. Un nouvel archer dans Legend of Tomorrow, c'est cool. Ouais, c'est vrai qu'il n'y en a pas du tout assez dans Arrow en plus. Bah, dis-moi qui c'est qu'il y aura dans Legend of Tomorrow, il y en aura pas, en fait. Ah non, dans Legend of Tomorrow, non, mais dans Arrow, je Eh pense que oui. tous les personnages sont archers, donc vu qu'il y aura un lien, ben, on Oh, risque de moi. voir Arrow et toute la team Arrow quand même dans Legend of Tomorrow, je sais pas. Il y en a moins que la saison dernière, quand même, des archers, là. Il n'y en a plus que deux. Bah y a Oliver, il y a sa sœur, il y a toujours toute la ligue des assassins qui sont devenus archers, pour mettre en Ouais, voie. mais ouais, pas vraiment, quoi. C'est un truc entre autres, quoi. Ils sont spécialisés dans un tas de trucs. Mais des vrais archers, il n'y en a que deux. Il n'y en a plus que deux, maintenant. Il y a Komodo qui se balade encore, je crois aussi. Ah, Komodo. Ah ouais, il y avait Komodo. Putain, Ah je me rappelle oui, même c'est plus vrai qu'on l'a celui-là. vu. Mais... Ok. Et donc ensuite, ben, on a appris, donc, selon Cartoon Network, une nouvelle série Justice League pourrait sortir en automne 2016. Le tweet a été posté sur le compte Twitter de Cartoon Network Canada et depuis il est enlevé. Mais bon, il y a de fortes chances que ce soit possible. Bon, après, vu que c'est Cartoon Network, il y a aussi de fortes chances que ce soit vite annulé. Ou que ça passe à 4 heures du matin. Ouais, c'est dans la même veine que la série Boost Team ou les Young Justice, ça peut être pas mal. Ouais, mais bon, voilà, après, ils peuvent l'annuler du jour au lendemain. Après, oui, Ouais, ça. bah, c'est vrai comme Young Justice, je pense que ça a eu 2 saisons et ça n'a jamais eu de fin, ils ont annulé. Pourtant, ça avait des bonnes audiences, je crois. Je sais pas pourquoi ils avaient annulé ça. Ma Un foi. mystère. Ouais. Bon, reste avec toi, Vinch. Vas-y. Urban a Ouais. dévoilé son planning, donc février-mars. Janvier, il Ouais. l'avait dit alors, tu m'as dit, je sais pas. Ouais, en fait, il l'avait dit, mais c'est vrai qu'ils avaient juste pas dit les deux tomes qu'ils ont rajoutés en plus, qui sont Batman Eternal tome 4. Pour Donc, janvier, donc, hein, ouais. ouais, donc ça conclut Batman Eternal, Ouais. avec les 52 numéros. Et alors, il y a aussi Flash la Légende tome 1. Donc, ça, c'est dans le même style que Batman la Légende. Et ça reprendra des trucs très vieux, des Shoutcasts et des Flash 105 à 116 que je ne connais pas. Ouais, Mais je ne sais de même pas de quelle année ça date. ouais, mais j'avais vu, je crois c'est 60 ou 50, c'est Carmine Infantino là. C'est Ouais, c'est très vieux, quoi. ouais, c'est très vieux, ouais. Et ouais, ça pourrait être cool, ouais. Ouais, C'est ça peut là être cool, t'as c'est du bon l'apparition flash. d'un paquet de personnages pour la première fois. Je crois que Cole et les Lascar, enfin les Rogues, ils arrivent là pour la première fois. Donc ouais, non, c'est une super bonne nouvelle. Ouais, maintenant je trouve ça juste bizarre que Urban publie d'abord des trucs chez Oldies, alors que les Oldies ça se vend pas des masses apparemment Ouais, chez mais Urban, ça dans la comparé à tout ce collection. qu'il y a Flash avant, quoi. Ouais, mais Le Red Jones et tout. cette collection-là, je crois qu'ils en sortent qu'un par an, non? C'est pas ça? Ou c'est les anthologies Ouais, un ou deux par qui en an. sortent qu'un par an? Ouais, voilà. Donc, Même ça, je pense que, ouais, ils ont sorti Batman la Légende 1, tome 1 et tome 2 il y a en 3 ans. Ils avaient sorti, c'est comment, Green Arrow et Green Lantern, là, qui est sorti il y a 2 ans aussi. Ouais, mais bon, on va pas C'est un se truc qui sort, plaindre. ouais, un par an, on va dire. Ouais, bah c'est bien, s'il faut un petit tirage, c'est bien, quoi. C'est. Ouais, c'est toujours bien pour les gens qui aiment bien le lit, surtout, puis ça développe un peu le catalogue, Bah quoi. ouais, y en a marre de Batman, bordel de merde. Bah, ces derniers temps, ils publient un peu même Batman, mais apparemment, ils vont se rattraper sûrement, Ouais, ils pour le commencent à se film. rattraper, là. Bah, déjà, il y a beaucoup de Superman et de Batman, ouais, c'est vrai que pour Bah le vas-y, film. hein. Vas-y, février, Donc voilà. Donc, balance. en février, nous avons Superman Unchained en deux tomes, donc l'Unchained normale et en noir et blanc. Ouais, c'est un tome complet, et voilà, il y a un format noir et blanc et Ouais. un format couleur. Ouais. Comme ils avaient fait pour les Batman. Ensuite, il y a Paul Dini présente Batman tome 3. Donc, ça conclut la série, là, de Paul Dini. Ensuite, nous avons le retour d'Harley Quinn avec un tome 2. Puis, ils vont publier Superman Doomed, donc, dans un format séparé. Donc, c'est le crossover qui a lié toutes les séries Superman, où Superman devient quelque chose d'autre. Pour pas spoiler les gens qui n'ont pas encore lu. Ah, c'était pas mal cette histoire. Là Ouais, c'était pas mal comme pour le coup, petite, c'était très série Z même, mais c'était cool quoi. Ah, Ouais, c'était très marrant, ouais. et ça introduit tout doucement la superbe et géniale série Convergence que nous avons tous adoré, avec Ouais, la fin. c'est vrai qu'à la fin, ouais, la fin c'était pas mal. Ouais. Ensuite, nous avons Future Ends tome 3, qui sortira seulement en février. C'est très triste. Ensuite, nous avons Batman Terre 1 tome 2, ça sort assez rapidement, c'est sorti cette année, il me semble, aux US, il n'y a pas longtemps. Ouais, Donc je crois il y a quelques mois, ouais. c'est le Batman de Geoff Johns qui en est à son année 2. C'est pas mal du tout. Ouais, le 1, j'avais été fan mais moyen. Enfin, j'avais trouvé ça beau et l'histoire pas mal, mais j'étais pas over fan. Maintenant, le tome 2, je sais pas ce que ça vaut, si Ah c'est bah mieux ou moins. c'est pareil, hein. C'est très beau et l'histoire est voilà, c'est pas mal. C'est du Geoff Johns. Ouais. Ensuite, nous avons Batman et Robin tome 4, où on va en faire retourner dans un truc un peu plus concis. Donc, ça se passe après le décès de Damien. Et nous avons donc toutes les ce sera la compil avec toutes les histoires Batman et Ah ouais. Two-Face, Batman, etc., qui était pas mal du tout. Recouer. Ah, faudra pas le louper, ça. Hein. Ouais, ça, ce sera du très bon. Requiem aussi et tout, non? Ou c'est déjà sorti Requiem? Requiem, c'est déjà sorti, il me semble. D'accord, ok. Il me semble, si je dis pas de bêtises. Ou alors, ce sera au tout début du tome, mais je crois que c'était C'est déjà sorti. peut-être tous les numéros où tu as justement Batman avec un sidekick différent Ouais, c'est ça. à chaque numéro, ouais. Ouais. Ah, ils sont bons ces numéros-là. Ensuite, nous avons Geoff Johns présente Green Lantern tome 7. Nous avons enfin la... On clôture enfin la série de Geoff Johns qui avait été débutée il y a 4 ans, je crois. Et donc, il a fallu du temps. Mais enfin, nous avons la fin. Ce sera fait que l'agent orange, si je dis pas de bêtises. Voilà, Ouais, c'est c'est tout pour ça, le c'est mois. l'agent orange, ouais. Il me semblait bien. C'est tout pour le mois de février avec concernant DC. Ensuite, nous avons mars avec les Batman Adventure tome 1. Donc ça reprend l'animé de Bruce Timm des années 90, si je dis pas de conneries. Ensuite, nous avons Batman Black and White, c'est une série d'histoires qui est sortie en noir et blanc il y a 2 ans, je crois, 1 an et demi, 2 ans, en single aux US, et c'est avec différents artistes, c'est un peu tous des one shot, je crois. C'est pas mal, c'est beau, mais c'est pas One shot, one shot, ouais, one shot. one Laisse-moi avec mon accent. Ensuite, J'ai nous avons rien dit sur Doomed et sur Unchained, mais là je peux plus là. Unchained. Je préfère, je sais pas comment tu le dis. Unchained. Unchained, ouais. Ensuite, nous avons Batman The Dark Knight Master Race, tome 1. Le très controversé, pas encore sorti, mais déjà très controversé volume, même chez Urban d'ailleurs. parce ils vont nous faire la joie de le publier très très vite. Donc en mars, on aura déjà les deux premiers numéros, mais ce sera dans un format cartonné à un prix assez élevé pour seulement deux petits numéros de 25 pages, je pense 20-25 pages au total. Voilà. Mais il y aura pas les DLC avec là, parce qu'il il est édité bizarrement quand même, Mr. Ace. Ouais, justement, mais c'est très petit, je pense. Mais en fait, ouais, je sais pas comment, je sais pas très bien comment c'est édité. Parce que si j'ai tout compris, chaque signe fait 20 pages, je pense. Plus t'as 8 pages de trucs, Ouais, les mini-comics là qu'ils mettent de dedans là. mini-comics en plus. Donc je sais pas comment ce sera. Je sais pas comment ça va être édité, mais voilà. Ensuite, nous avons les derniers jours du Superman. Je ne connais pas du tout. Ouais, pareil. C'est Alan Moore, ça, je crois. Hein. C'est possible. Je crois que c'est un incontournable, hein, apparemment. Je sais pas, je connais pas trop. Puis nous avons Superman Batman tome 2, donc qui, à ne pas se tromper, c'est pas du New 52, c'est ce qui est paru juste avant. Jeff Lubb. Ouais, Mike Guinness. Ouais. Ouais, c'est ça. Ensuite, nous avons Superman Adventure tome 1, donc ça c'est la même chose que Batman Adventure, c'est calé sur l'animé des années 90. Pour les enfants, ouais, toujours. Ouais. Ouais, puis nous avons Luthor, que je ne connais pas non plus, mais apparemment les gens avaient l'air assez contents de cette annonce. Je sais pas si c'est bon ou pas le comics que ça reprend, je suis pas trop au courant C'est de quoi? celui-là. C'est pas C'est celui Azzarello d'Azzarello? ou... Si, Ouais, si, Azzarello. c'est Si, si, Azzarello et... ouais, il y a du Azzarello, c'est vrai que ça, je savais, c'est ça. Donc c'est déjà un bon auteur, maintenant, je sais pas Ah, le contenu de... c'est un immanquable. C'est aussi bon que le Joker qu'il avait fait. Et c'est avec Delotto aussi? Bermejo. Ah, Bermejo, Ouais, d'accord. comme le Joker. D'accord, ok. Ah, bah, c'est pas mal du tout ça, alors. Et ensuite, nous avons enfin une anthologie pour Wonder Woman. Pour toucher les gens qui le voulaient, bah, ils vont pouvoir enfin lire du Wonder Woman en anthologie. Je sais pas si vous êtes content ou pas, vous. Moi, je m'en fous perso, mais vous, ouais. Ouais, bah non, moi je m'en fous un peu aussi, parce que Wonder Woman, je suis pas... j'aime bien la Wonder Woman d'Azzarello, mais sinon, à part ça, c'est pas mon personnage, je le kiffe pas, quoi. Ouais. Et vous, les gars? Ah, moi, les anthologies, ça m'intéresse pas. Ouais, pareil. Moi, j'en ai pris deux, mais en fait, c'est lourd à digérer, quoi. Je les lis comme ça, 5-6 pages par mois, en fait. Après, j'arrive plus. Flash, je l'ai même pas fini, je crois, je suis même pas à un quart. J'ai tout lu de Flash. J'ai lu la première histoire, la toute première histoire avec Jay Garrick, ça m'a pris la tête. Du coup, j'y vais doucement, quoi. Ouais, très doucement là. Ouais, bah ouais, complètement, ouais. Attends, le mec, il t'explique ce qu'il va faire dans la case de narration, et après, il te le répète dans sa bulle. Tu Ouais, vois c'était le délire? l'narration de l'époque, quoi. Ouais, c'est ça, il y a 60 ans, quoi. Ouais. Après, je crache pas dessus, mais bon, c'est vrai que c'est un peu comme le Superman tome 1 et tome 2, quoi. La mort de Superman, à lire, c'est... Faut être motivé, quoi. Faut lire un épisode par jour, pas plus. Ouais, c'est très lourd, très lourd. Et ensuite, pour conclure, nous avons Garth Ennis présente Hellblazer tome 3. Donc, je pense que c'est le dernier tome de la série aussi, si je dis pas de conneries. Ben Je j'espère crois. hein, parce qu'il y a un tas de trucs où tu sais pas si tu dis des conneries ou pas. Franchement j'en sais rien. Parce que c'est des trucs, non, mais c'est pour, en fait, quand je dis pas de conneries, j'attends que quelqu'un valide d'abord, apparemment. Non, mon gars, Vous n'avez pas l'air au merde. courant. Non j'en sais rien, ouais sûrement, je pense, Non, je parce que sais les pas. tomes, des fois, chez Urban, tu crois qu'il y en a trois, mais il y en a quatre, tu crois qu'il y en a quatre, mais il y en a trois, c'est pour ça que c'est à moi. Des fois, ils stipulent pas spécialement sur la couverture, le nombre de tomes, qu'il va y avoir au total. Faut aller C'est voir pour vite fait ça. sur internet là, si quelqu'un qui a une qui est habile de ses doigts, qui va aller vite fait checker. Bon, Pendant de ce toute façon, temps-là. dans le pire des cas, dans 2 mois, je dirais, et en fait, au final, il y a tome 4, Hellblazer tome 4. Je vais vérifier, attends l'ami. C'est donc ça. Peut pas dire des conneries quand même, attends. C'est vrai qu'on est une émission média hyper sérieuse en plus. Bah ouais. J'y confirme. Vas-y, dis des trucs, Vince, pour faire patienter les auditeurs, pendant que je lance la recherche sur internet. Faire Chantez patienter une les chanson. auditeurs. Non, je ne chante pas. Ben ouais. Occuper les gens comme ça, c'est intéressant. C'est pas grave, tu coupes pas au montage. C'est bon, j'arrive. Non, non, je coupe pas en montage, nous, c'est... Garth Ennis présente Hellblazer tome 3 sur Urban Comics. Ouais, sur Urban, je suis pas sûr qu'il te donne l'info. Non, ils disent pas, ces enfoirés. Ben, niquez-vous, les gars. Non, non, ils le disent pas. Ben, tant pis. Donc, on verra bien. Non, mais il me Alors. semble que c'est le dernier. Moi, j'avais entendu quelque part, hein, je ne sais pas sur Comic City que c'était non. Ah, voilà, Bah donc non. Mon Ok. avis, c'est ça, quoi. D'accord. Ok, t'as quelque chose à rajouter, Cédric, sur tous ces trucs-là ou sur le planning, des trucs que tu vas acheter et d'autres que... Bah, non, pas vraiment. Superman Doom, c'est très très bien. Superman Unchained, c'est beaucoup moins bien. À part ça, on a à peu près tout dit, hein. D'accord. Ok, alors on va passer donc aux news VO, aux news comics VO. Alors donc on a appris qu'il y aura une nouvelle série Wonder Woman Digital pour remplacer l'ancienne. Ça s'appellera The Legend of Wonder Woman. Donc janvier 2016, il y aura 9 numéros écrits et dessinés par René Delis. Je pense que ça se prononce comme ça. Donc voilà, ça racontera les origines donc de l'Amazon si jamais on les connaît pas. Bon, voilà, ça peut être sympa. Ensuite, on aura un préquel à DK3, donc on aura un one shot de 48 pages. Ça prendra la place du quatrième numéro de DK3. À ce moment-là, il y aura une petite pause dans la publication. Et donc on aura la même équipe. On aura au scénario Miller Azzarello. Et par contre, là au dessin, on aura John Romita Jr. Ça, tu détestes? Ah, je ne supporte pas Romita. Ah, respect Et très grand, on adore. Romita sur Ouais. Batman, j'en ai déjà des boutons. J'aime bien aussi Romita, pour ça. Moi, j'aime bien aussi. T'aimes bien? Moi aussi, je suis bien content. Ok. Et donc, toujours pendant la New York Comic Con, on a appris 2-3 trucs. Donc, Tom Taylor, cette espèce de traître, il va revenir travailler chez DC. Donc, il va reprendre Batman Superman avec Robson Rocha au dessin. Donc, je crois que c'est à partir de janvier qu'il reprend. Et il va Ça, c'est aussi... cool. Pardon? Ouais, bah, c'est cool, bah, ouais, c'est clair. Et ensuite, il va s'occuper de la nouvelle mini-série Green Lantern Edge of Oblivion, qui va prendre la suite de... Comment elle s'appelait? La dernière mini Green Lantern. Lost Army. Lost Army. Merci l'ami. Et donc là, ce sera avec un vieux de la vieille sur la franchise Green Lantern. Il y aura Vance Skeever au dessin. Donc C'est ça bon peut être ça. cool aussi, ouais. Ouais, carrément. Ouais. Et ensuite, on a appris que Capullo, donc il va faire une pause sur Batman après le 51. Pendant quelques temps, il va s'occuper d'un projet, je crois, si normalement chez Image avec Mark Millar, il me semble. Ouais, c'est Oui, ça. c'est ça. Voilà. Et aussi, il a fait une vidéo promo pour une nouvelle boutique là qui va ouvrir ses portes. Je sais pas si vous avez vu sur Internet. À Paris. Ouais, la boutique Apocalypse elle ferme et ils ouvrent un truc qui s'appelle Central Comics. Et donc, il a fait une petite vidéo où il fait l'acteur. Mais perso, je pense que même dans Gotham, il pourrait pas être casté tellement il est mauvais, quoi. Vous avez vu la vidéo? Attends, c'est sous-estimé Gotham là quand même. Donc, si vous l'avez pas vu, allez voir. Hein. Tapez. Allez, je savais pas qu'il fermait Apocalypse à Paris. Ouais, mais apparemment, je crois j'ai suivi vite fait parce que bon, vu que c'est à Paris, je m'en fous, moi, ça me concerne pas. Mais du coup, je crois que la boutique, donc, elle va s'appeler donc Central Comics et ils vont être affiliés avec un autre magasin, mais Ouais. je suis En pas fait, sûr. c'est Apocalypse qui ferme et c'est un autre magasin qui s'associe avec eux et ils vont faire un nouveau grand magasin qui réunit D'accord. les deux, quoi. D'accord, ok. S'appellera le don que t'as dit. Voilà. Donc, si vous êtes sur Paris, voilà. Et ensuite, donc, Cullen Bunn, le mec qui écrit dans tous les sens, il va quitter Akumano 48 en janvier. Apparemment, les fans n'ont pas été tendres avec lui. Ils l'auraient critiqué avant même que son premier épisode sorte. Ben, suite à ça, il voulait se barrer direct. En fait, son éditeur l'a convaincu pour rester. Il est resté un temps et là, il en a marre et il s'en va apparemment. Donc, j'ai pas lu son Aquaman. Je sais pas ce que ça vaut. Bon débarras. C'était de la merde. Ok. Ah, c'est horrible. D'accord. Et puis le dessin a l'air dégueulasse en plus. Ah, le dessin, il est immonde. C'est... Ouais. Même pas quand t'écris, parce que lui il écrit un paquet de séries, hein. Une vingtaine facile, non? Ah, il en a écrit au moins 10. Au moins 10, ça c'est Ouais, sûr. 20 j'abuse peut-être. Ouais. Donc il s'en va, notre ami Colin. Salut. Aussi, Ben, bon salut ben. Colin. On passe au review série télé ou vous avez d'autres choses à rajouter? Il n'y a pas de nom qui circule encore pour reprendre Aquaman, là c'est trop tôt. Non, il y aura eu là. Là, je pense qu'il y a plein d'équipes qui vont bouger. J'espère que l'équipe de Flash, elle va dégager aussi. Ah Bah, ouais, j'espère mais aussi, Flash, il parce faut que du j'aimerais bien changement m'y aussi. mettre. Ouais. Qu'est-ce que tu dis, Spectra? J'aimerais bien m'y mettre à Flash, mais j'aimerais bien que l'équipe, elle bouge pas. Enfin, surtout le dessinateur, j'ai du mal avec le trait En fait, c'est d'Emerald pas son Wolf. trait, je pensais sa couleur. Là. Ouais, La couleur, elle est... C'est trop 90. Et après, ouais, c'est l'histoire. ça, c'est hyper flashy, quoi. Chaque numéro que tu lis, se passe rien, ça commence à être chiant, quoi. Ah, c'est vraiment lent. Ouais, c'est très très lent. Hein. Tu le lis en 2 minutes, mais il se passe absolument rien, c'est abusé. Ok, donc on va passer au review série télé. Donc là, on va parler que des pilotes, histoire de bien faire les choses pour une fois dans cette émission et d'être concret dans ce qu'on dit. Donc Vinch, on te laisse parler de Flash, épisode 1, le pilote. Ouais. Tu comptes spoiler ou pas? Ouais, sûrement, parce que moi, quand je parle, j'oublie ce qui est. Déjà, ça fait 3 semaines l'épisode, il faut que je m'en souvienne, alors en plus, si je dois me souvenir de ce que je peux pas spoiler, ça va pas être facile. Toi, c'est ton boulot, l'ami. Non, je Ah, mais rigole. merde, on T'es fait des grassement reviews, donc payé c'est un pour review ça, sans mec. spoiler, ça fait chier, alors tu dis pas grand-chose, alors ouais. Non, vas-y, vas-y, je rigole, je te taquine. Toute façon, ça date, hein, donc à mon avis, les gens, la plupart des gens, ils ont déjà vu, sinon je vais essayer de pas trop spoiler, mais faites gaffe, quoi. Donc Flash, c'est épisode 1, saison 2. Alors, on arrive à Central City 6 mois après, si c'est c'est 6 ça. mois, 6 mois après. C'est ça, c'est ça. 6 mois après la fameuse distorsion nuage temporel qui allait ravager tout le monde. Alors, on a quelques flashbacks, on apprend qu'il n'y a pas que Flash qui a sauvé le qui a sauvé Central City. Justement, je vais pas pour pas spoiler, je vais pas dire qui d'autre les a aidés. Mais donc voilà, donc on a Flash qui est de nouveau seul, un peu torturé parce qu'il a perdu des coéquipiers, il veut plus travailler avec d'autres personnes. Le gars, il est un peu au bout du rouleau, il continue à faire son truc tout seul. Et il y a le Flash Day que j'avais trouvé pas mal, on avait vu pas mal de teasers, j'ai trouvé ça pas mal de mettre un Flash Day, même si on sentait que la production avec ses limites avec le Flash Day, il y avait pas non plus trop, c'était pas aussi énorme que ça aurait pu paraître. Et donc voilà, l'épisode était quand même sympa. Les effets spéciaux, à part quelques moments, ils étaient un peu cheap, mais sinon je trouve qu'ils étaient plus que corrects pour la série Flash. Et alors on a eu quelques déjà clins d'œil avec avec un nouveau personnage qui vient qu'on a qui était largement teasé, qui vient de la Terre 2. Qu'est-ce qu'on a eu d'autre de pas mal? On a eu les prémices du nom du nouveau méchant qui s'appelle Zoom. Là je spoil pas trop grand-chose vu qu'on le dit on en parle chaque ça. Fois. On le voit même déjà, on le voit très vite d'ailleurs, mais pas dans l'épisode 1. Ce sera pour une autre review, mais donc voilà l'épisode. Moi, j'ai bien aimé. J'ai trouvé que c'était qu'il était bien réalisé. Maintenant, après, maintenant, je m'attendais quand même à autre chose pour. Après, moi, j'aimais parce qu'il amène un tas de pistes, un tas d'intrigues. Donc, il y a l'histoire avec Zoom, donc l'histoire avec, bon, on peut le dire, avec Jay Garrick qui arrive aussi. Donc, ça, c'est ouais, pareil. Voilà. Ça peut être pas mal via Earth 2. Après, je crois que c'est dans cet épisode-là que la mère d'Iris revient. Donc, ça, c'est même si ouais, les gens. C'est ça. Même si les gens ça les saoule l'actrice ou la façon de jouer ou qu'elle arrête pas de chialer, bon peu importe, ça amène peut-être je pense l'intrigue avec Wally West, enfin de ce que je pense. Et après il y a aussi le côté avec un personnage de la saison 1 qui revient, qui est mystérieux, on sait pas trop ce qu'il est. Vous voyez de qui je parle? Ouais, mais oui. C'est pas dans l'épisode 2 ça qui revient à lui. C'est dans l'épisode 2? Bon, bah tant pis. Il voilà. Semble. Ouais, bah un ou deux, voilà. Donc ça amène quand même on un le tas. Voit tout à la fin du 1. Ah, on le voit Ouais. quand même à la fin, d'accord. Voilà, Oh, je sais plus. Du coup, ça rentre fort direct, quoi, donc, Ouais, c'est sûr que niveau suspense, beaucoup, comparé à Arrow, t'as beaucoup plus de pistes, il se passe beaucoup plus de choses dans l'épisode de Flash, quoi. Ça, ouais, c'est voilà, sûr ouais. qu'à ce niveau-là. Tu t'attends à pas mal de trucs. Toi, Cédric, c'est quoi qui te plaît pas dans Flash, en fait? Je peux pas vraiment juger, hein. J'ai vu 10 minutes du pilote de la première saison, donc, moi, je peux pas regarder de série de la CW. C'est moi voir des ados jouer aux adultes, ça c'est pas pour moi. Ouais, mais il faut pas voir les choses comme ça, en fait. Il y a des défauts, mais après, il y a des qualités qui font que tu passes outre ces défauts. Donc, le côté teen, après, tu mets de côté, quoi. En tant que fan, tu le mets de côté. Ouais, mais justement, j'arrive pas à le mettre de côté. J'ai le même problème avec Gotham. Ouais, non, mais Gotham, on est d'accord, c'est de la merde. Mais Flash, c'est cool. Là, il y a plein de gens qui disent comme toi le côté teen, mais après, honnêtement, ouais, franchement, c'est... Pourtant, tu sais très bien que j'ai des bons goûts, je regarde des bonnes séries. Ça Ah bon, bref, ok. Bon, ben, tu l'as vu, Spectra? T'as un truc à rajouter? ouais, bah Flash, moi franchement j'adore, hein. C'est toujours un bon divertissement. Les épisodes d'après sont franchement cool. Le dernier en date là était très bien, donc Hormis le non. coup du requin qui se balade en rue, en ville, tranquille, et qu'il n'y a personne Putain, qui mais l'a vu. comment tu spoil violent là? Ouais, c'est pas vraiment un spoil, ça m'a fait rire, quoi. J'ai vu ça, j'ai dit, Ouais, mais mais qu'est-ce qu'ils font, tu sais? N'importe ouais, quoi, mais tu sais. ça Ouais. m'a bien fait triper pour le coup. Après, il y a aussi donc de nouveaux personnages qui arrivent. On va pas spoiler, mais il y a de nouveaux personnages qui arrivent issus de la BD qui sont réadaptés, qui sont pas vraiment pareils. Mais bon, moi je m'en branle, les mecs qui soient pas pareils de A à Z. Donc ça peut être cette saison 2 s'annonce cool. Ouais, je trouve que voilà pour la série Flash en tout cas la tonalité CW elle est pas plus gênante que ça du coup vu que ça Ouais, c'est c'est moins assez forcé. lumineux, assez festif C'est ça, contrairement c'est à la moins forcé. suite alors. Bah donc on va parler du pilote d'Arrow. Donc moi la saison 3 j'avais trouvé catastrophique. J'avais dit je vais tester un peu voir ce que ça redevient. Et bon bah j'ai été agréablement surpris en fait. Donc à la fin de la 3, donc Arrow et Felicity ils s'en vont, machin, ils quittent tout, ils vont vivre entre amoureux on va dire. Et donc là on les retrouve dans leur maison tranquillou à rien faire. Bon il y a un truc qui m'a fait rire au début, c'est Felicity elle est en train de faire une omelette. Et l'autre il lui dit You failed this omelette. Bon c'est trop con mais ça m'a fait rigoler. Vous vous rappelez de ce passage? Ouais, ça m'avait bien fait marrer aussi. Ouais, c'était pas mal. Et donc là c'est pareil, il y a des gens qui n'ont pas aimé leur relation, mais bon, moi le fait là qu'ils se trompent pas autour, qu'ils soient vraiment ensemble, je trouve que c'est déjà un bon pas de un palier de franchi, et donc on est moins emmerdé par ce la petite amourette, enfin c'est mon avis après. Et après donc du coup ben on nous montre après ce qui se passe donc à Star City, parce que maintenant la ville donc s'appelle Star City. Et donc on voit l'équipe Théa et compagnie, et donc Deagle qui est toujours dans l'équipe mais qui a un nouveau masque. Donc le masque il est pourri mais il passe quand même mieux en vidéo qu'en photo, on est d'accord, non? Ouais, ça va, ça va, ça Ouais, quand même un peu mieux. va. Ouais, c'est j'ai trouvé aussi. Et donc ils se battent contre les ghosts, et donc là on voit donc le big boss des ghosts, c'est donc Damien Dark. Et donc bon moi j'aime bien l'acteur parce que j'ai joué dans Band of Brothers et bon c'est une de mes séries préférées. Et donc voilà, donc en fait le premier épisode il démarre comme il faut je trouve, ça amène un nouveau statu quo et en même temps le vilain on l'a d'entrée de jeu quoi. Ils nous font pas galérer pendant une demi-saison pour nous mettre vraiment dans le vif du sujet. Qu'est-ce que je pensais à un truc mais j'ai déjà oublié. Ouais, je me rappelle plus ce que je voulais dire. Bon, bah c'est pas grave. Donc ouais, je trouve que ce premier épisode, il redémarre correctement et ça augure du meilleur pour la suite, notamment les flashbacks de cette saison. Donc ce sera centré sur l'île une fois de plus. Donc il va devoir retourner sur l'île. Et donc là, ça m'a fait un peu penser. On voit les champs de pavot. Ça m'a fait penser un peu à Green Arrow Year One. Mais après, il reste à voir ce qu'ils vont en faire. Est-ce qu'ils vont y ajouter par-dessus? Bon, je pense pas. Est-ce qu'ils vont y mettre un petit coup des Outsiders par-dessus? Mais bon, honnêtement, vu comme c'est parti, je pense pas. Mais donc pour l'instant j'ai trouvé que c'était cool. Et vous les gars? J'ai bien aimé aussi, j'ai trouvé ça pas mal du tout. J'étais aussi agréablement surpris parce que c'est vrai que la saison 3 c'était une horreur. Et là, bah, je trouve qu'il repart sur des bonnes pistes, des bonnes bases. J'ai vu pas mal de gens qui disaient c'est trop calme, il se passe pas assez de trucs, mais justement, je trouve que il n'y a pas besoin qu'il se passe des trucs énormissimes pour que la série soit bien. Et puis, comme Ah tu bien dis, sûr. on tergiverse pas 36 ans sur le méchant. Là, on a annoncé dès le début, ils abattent certaines cartes qui ont pas besoin de autour desquelles t'as pas besoin de tourner autour du pot dans une saison, quoi. Après il y a d'autres trucs qui sont rajoutés, donc bon on va pas spoiler, mais bon, moi là où à l'épisode 4 que j'ai vu donc il y a 2 jours, le seul truc qui me gêne là un peu c'est que ça tourne en rond, Damien Dark il est là, mais en fait il sert un peu à rien quoi. Donc mais après voilà, il y a encore d'autres intrigues derrière qui sont rajoutées, et c'est quand même assez intéressant je trouve. Donc pour l'instant ouais ça démarre quand même 100 fois mieux que l'année dernière. Spectra, tu l'as vu? Ouais, moi pour l'instant je déteste hein, cette saison 4, là j'ai vraiment du mal. Ah ouais? Ouais. En fait, ce que j'aimais bien dans la 1 et dans la 2, c'est que il y avait encore un petit peu le secret autour de son identité et les gens faisaient autre chose que d'affronter les types quoi. Là, c'est tout dès que tu croises quelqu'un, c'est forcément un super-héros, enfin c'est Ouais. y a plus les ouais, enfin non, j'aime pas pour l'instant. Ok. Je trouve ça un peu cheap en plus quoi par rapport à Flash. Ouais, c'est cheap, mais il y a quand même, je trouve, plus de moyens que la saison dernière quand même. Pour le moment. Bah j'ai pas l'impression justement. Ah ouais, moi j'ai quand même l'impression qu'ils sont allés un peu plus, quoi. Même avec la roquet, la nouvelle truc, enfin il y a pas mal de trucs en plus, je trouve. Même les effets spéciaux. Même les chorégraphies, je trouve qu'elles sont un cran au-dessus que par rapport à l'année dernière. Ok, donc ça non plus, tu regardes pas, je suppose, Cédric. Ah non, non. Ok. Ça roule. Oh, bah Spectra, continue avec Gotham. De quel épisode tu vas nous parler? Si vous voulez, on peut continuer dans la logique des pilotes, puisque j'ai vu celui de Supergirl. Ouais, mais on en a parlé il y a 6 mois quand il avait fuité, non? Ouais, c'était Je déjà l'avais bien pas. pourri comme ça. Bon, bah c'est resté bien pourri. C'est Bon, pas bah on va pourri, bande de parler. fous. C'est pas Ah, pourri. c'était naze. Ouais, c'était vraiment. Même, ouais, c'est pire que toutes les séries teenage pour moi, ce truc. Mais Ah ouais, pas mais c'était pourquoi. le summum. Et je me suis, tout le long de l'épisode, j'ai cherché à quel moment t'avais apprécié, en fait. Mais non, mais moi je suis pas comme vous, moi je suis pas un bourrin, tu vois. Moi quand T'as je des goûts regarde en ça. bois, t'as des goûts en bois. Non, mais... non, mais moi je me suis mis à la place d'une fille, en fait. Tu Ah vois? ouais, ok, ouais, Pas à d'accord, la place de tu gros t'es bourrin déguisé et tout, comme vous, quoi. quoi, c'est ça. Et en fait, si tu regardes bien, c'est comme les autres, c'est comme Flash, mais avec une fille à la place. Donc c'est la même recette. Donc si Tu t'aimes vas voir, Flash, tu mets Flash Flash sans sans Flash, Supergirl. attendez, pas tous en même temps. Tu disais quoi, Cédric? Je disais que tu me vendais bien Flash, du coup, ça donne envie, Non mais hein. toi regarde pas, t'aimeras pas, mais c'est sûr et certain. C'est quoi, Vinch? Je disais, moi sans Flash, Flash sans Flash, c'est plus pareil non plus. Alors tu me dis, avec une fille et sans des intrigues encore plus merdiques, ça va C'est quoi. pas merdique. Moi je l'ai vu il y a longtemps, mais t'avais quand même pas mal de liens avec Superman, la mythologie, c'était assez intéressant aussi. Il parlait un peu de la zone fantôme. Il y avait quand même des trucs intéressants. Après le ton, bon ben oui, c'est sûr que c'est pas fait pour. C'est pas pour les ours quoi, tu vois. C'est pour les gens, pour les filles, les gens un peu fins, un peu ouverts d'esprit quoi, tu vois. Mais c'est pas trop mal quoi. Ok, c'est pour les gens un peu fins. Non mais voilà, tu vois, c'est pas de la merde quoi, voilà. Moi j'ai trouvé ça sympathique, je pense que je la suivrai la série. Pour la femme qui sommeille en toi, c'est ça. Non mais voilà, enfin tu m'as compris quoi, tu vois ce que je veux dire. Oh, mais En plus ça a cartonné, je crois, 12 millions de personnes qui ont regardé ça, t'imagines ouais, hein. c'est vrai que ça a cartonné. Bon après en même temps c'est une grosse chaîne, hein. C'est pas CW quoi, mais bon. Ouais, mais on Ouais, en reparle des audiences au fil des semaines. Spectra, qu'est-ce que tu dis? Ouais, non, mais si j'avais regardé ça d'un point de vue typiquement féminin, moi je pense que j'aurais été hyper complexé, hein. Pourquoi? Attends, enfin tout le monde est encore plus beau que dans les autres séries là, dans Supergirl. Ah ouais, tu trouves qu'ils sont sexy les personnages? Bah globalement dans l'ensemble, ouais. Bon. Ouais, c'est des jeunes gens beaux comme les autres séries en fait, pas plus, pas moins. J'aurais tendance à dire un petit peu plus, t'as au moins un moche qui traîne quelque part dans Arrow ou dans Flash. Dans Flash, il y a Cisco. Cisco le moche. N'empêche, Cisco c'est le meilleur personnage de la série. Chaque réplique, chaque fois je suis plié. Il est super ce personnage. Ouais. Dodo, c'est pour ça qu'il faut un moche dans chaque série, et là, il n'y en avait pas. Donc c'est pour ça que j'ai peut-être été déstabilisé. Non, mais puis je trouve qu'elle se démarque pas assez de Flash et Arrow. En fait, c'est du Berlanti, c'est la même narration. C'est My name is Kara Zor-El. Bah ouais, c'est ça, c'est pareil. Donc après c'est. Enfin ouais, donc on en avait déjà parlé. On va pas en reparler quoi. Il était sorti quand cet été, on l'avait chroniqué déjà. Donc. Non, mais c'était un vieux stratagème pour pas parler de Gotham, mais Ah oui, tant pis. du coup t'avais réussi parce que j'avais complètement zappé. Bah vas-y, dis-nous un petit truc quand même. Quel épisode Bah, c'est sur quel qui t'a Gotham, le. je suis à jour, mais malheureusement, il n'y a pas d'épisode qui sort, qui se démarque plus. Donc, sur les trois premiers épisodes, effectivement, il y avait le gang de psychotiques, les maniaques qui se formaient sous la direction du nouveau méchant qui est Théo Galavan et sa sœur avec son fouet et ses gros boobs. Et à partir de l'épisode 4, ils ont totalement lâché les maniaques. Donc on revient des intrigues plus classiques avec l'arrivée du coup d'un nouveau commissaire de police qui est C'est Vic Mackey. c'est Vic Mackay, Ah voilà. bah voilà, parle-nous de lui, ça m'intéresse, il joue bien. Alors le problème de cette série, c'est alors Vic Mackay tout comme Théo Galavan en fait, qui sont deux bons acteurs en fait, ont tendance à bien. Alors les autres sont particulièrement mauvais, les bons acteurs ont tendance à un peu surjouer. D'accord. Bon, c'est un petit côté burlesque quoi dans leur jeu, mais non, mais ça va, c'est Vic Mackay, il a quand même la classe. Il joue un commissaire qui est plutôt intègre et qui décide de monter une unité spéciale pour éradiquer le crime dans Gotham. Et voilà, donc on repart sur des intrigues de guerre de gang entre Cobblepot et Galavan. Ça n'a rien de fantastique, c'est vraiment très très moyen, voire presque mauvais. Ils D'accord. ont introduit un nouveau personnage en la personne de Silver Saint-Cloud. Je sais pas si ça parle aux fanboys de Batman, mais déjà dans le comic, c'était une cata, donc là. D'accord. Voilà, c'est très mauvais, hein, Gotham, c'est vraiment de la merde. J'ai préféré Supergirl, hein, honnêtement. Toi, t'étais fan de la saison 1, par contre. J'avais bien aimé la saison 1, ouais. La saison 1, j'avais bien Et apprécié. t'avais aimé Constantine aussi. C'était bien passé, Constantine, finalement. Donc là, les gens, ils commencent à ouvrir les yeux, je pense, sur tes goûts, en Ouais, fait. et j'ai reviewé. J'avais bien aimé Convergence au début. Ah ouais, ah c'est toi. Hein, tu cherchais C'est. un Bruno de comics dans l'équipe, ben, c'est Spectra. Bon, ben on arrête le massacre, on passe au review comics VF. Ouais, avec pour commencer Future Ends tome 2, donc c'est la suite donc de Future Ends, évidemment. Donc le tome 2, bah, ça suit toujours l'histoire avec Le tome 1. l'histoire mort. Non, vas-y, vas-y. Ouais, du tome 1 en effet, mais ça suit donc Terry McGinnis, donc le Batman du futur qui essaye toujours de s'introduire chez Terrific Tech pour voler un étrange objet qui est en rapport avec l'œil maléfique qui a corrompu le monde, donc n'oublions pas. Ensuite, on a pas mal de Flyers qui se trouvent sur l'île Calmus. Enfin, ça part toujours un peu dans tous les sens. Le seul avantage, c'est que dans un volume, c'est un peu plus concis, donc on s'y perd moins que dans les, ouais, que dans les singles. Que dans les singles, ouais. Donc, moi, j'ai toujours bien aimé. C'est le seul truc, c'est que c'est un peu, que je trouve que ça, vu qu'il y a beaucoup d'intrigues, ça n'avance pas très vite. Donc, au final, sur un tome de, je sais pas combien de pages exactes il fait, mais c'est quand même un volume respectable, je veux dire. T'avances quand même pas des masses. T'avances de, on va dire, 3 lignes scénaristiques au total dans tous les trucs, quoi. Donc, c'est un peu lent. Ça avance pas des masses et c'est ça qui est un peu dommage. Sinon l'histoire est toujours aussi intéressante, on va dire, malgré le fait que ce n'est pas très rapide. Et aussi les dessins, bien que ça change quelques fois de dessinateur, ça reste tout à fait respectable. Donc voilà, c'est encore un beau volume. Maintenant, c'est pas, je trouve que ce tome 2, c'est un peu un tome de transition. Donc j'espère que le tome 3 serait un peu plus prenant que ce tome 2. Parce que j'avais vraiment bien aimé le tome 1. Le tome 2, c'est, ça se lit, mais c'est tellement lent qu'au final, tu dis putain, t'as envie qu'il se passe quelque chose, quoi. D'accord. Vous l'avez lu, les gars, les autres, celui-là? Non. Moi, je les avais lus en single à l'époque. Et j'ai en fait exactement la même analyse. C'est un peu trop lent, un peu comme toutes les séries hebdomadaires de DC de l'époque. D'accord. C'est sympathique, c'est pas moche, mais c'est un peu lent. Après, ça se lit probablement beaucoup mieux en TP. C'est sûr. C'est sûr. Mais moi, je l'ai acheté, mais je l'ai pas encore lu, en fait, celui-là. Je vais m'y mettre. Il y avait aussi donc le Justice League 8 qui est sorti, donc je l'ai acheté, je l'ai lu, je l'avais lu à l'époque en VO. Donc là, il y a un paquet d'épisodes, je crois qu'il y a 10 épisodes de Justice League, plus un épisode de JLA, je crois que c'est le 12 si je dis pas de bêtises. Et donc, ça reprend juste après, donc futur, non, Forever Evil, et donc ça reprend l'arc Injustice League, plus l'arc Amazovirus. Et donc en fait, principalement dans le tome, ce qu'on a, c'est le Luthor qui rentre officiellement dans la Ligue de Justice, donc notamment sur les deux arcs. Donc bon, je vais pas trop spoiler, mais en fait Luthor, il découvre que Bruce Wayne c'est Batman, et donc du coup il va lui faire une sorte de chantage pour l'amener à ce qu'il rentre dans la Ligue. Et donc en fait Batman, lui, à l'inverse, il se dit bon, on va le faire rentrer parce que au moins on va savoir ce qu'il veut, parce que s'il est là, c'est forcément qu'il a un plan derrière la tête. Donc comme dit le proverbe, je sais plus quoi, garde tes amis tes ennemis plus près de toi, un truc comme ça, c'est ça, non? Regarde tes ennemis près de toi, tes amis proches de toi, tes ennemis encore plus proches, un truc comme ça. Voilà, merci. Et voilà, donc ils vont faire équipe ensemble. Et après, on part sur l'arc Amazovirus, donc il y a un virus qui est relâché dans la ville, dans le pays, dans le monde entier. Et donc la Ligue, elle va devoir trouver une solution. Et dans la Ligue, il y a aussi un autre membre qui rentre, c'est donc Captain Cold, donc de Flash. Donc voilà, en single, c'était un peu chiant. En fait, non, l'arc Injustice League en single, c'était cool. Et l'arc Amazovirus en single, c'était chiant. Là, en TP, ça passe mieux. On a notamment Jason Fabok qui arrive sur Amazovirus. Donc lui, au niveau des dessins, c'est juste magnifique. C'est un tome sympa, mais voilà, le gros point faible, c'est Amazovirus, parce que voilà, ça sert à rien, en fait. Mais voilà, c'est un tome assez costaud. Le dernier épisode, c'est donc le dernier numéro de JLA, je crois, ou un des derniers. Donc c'est de la grosse merde, ça sert à rien du tout. C'est pour nous rappeler les personnages qui sont devenus. C'est mal dessiné, c'est nul à lire, c'est vraiment pourri. Voilà. Et donc le prochain tome, si je dis pas de conneries, ce sera Dark Seiwar, non? Ouais. Voilà, Ouais, c'est ça. On sait pas encore quand, mais dans ouais, un moment, à mon avis. y en a pour un moment là. Si c'est pas un an, pas loin, je pense. Ouais, Donc pas sûrement fin 2016. voilà un tome avec du bon et du moins bon, mais globalement c'est quand même cool, quoi. On se rapproche du meilleur de Dark Seiwar. Ça, c'est vraiment de la bombe. Vous voulez rajouter quelque chose sur ce tome 8, les gars? Non. Ah, moi, je suis pas Non. tellement d'accord avec toi sur ton analyse sur Amazovirus. Je trouvais que l'histoire était sympathique. Ben en fait, Amazovirus, je trouvais que ça faisait très série Z, quoi. Il y a un virus, il y a des zombies, on se met un peu sur la gueule, il y a un méchant indestructible, et à la fin, ben on nique le méchant indestructible, et on a Ouais, gagné, quoi, tu vois, c'est... c'est un peu tous les arcs de Justice League sont un peu comme ça, mais. Ouais, mais quand tu compares avec Dark Seiwar, il y a tellement d'intrigues différentes que là, voilà, c'est pas un truc tout con avec... Enfin, tu vois, genre, ils se mettent sur la gueule, C'est vrai, machin, c'est con. ils C'est comprennent vrai, pas mais pour... ça fait du bien, une histoire simple de temps en temps aussi. Ouais, mais ça fait 8 tomes que c'est simple. sur Justice League. Ouais, Non, pas ce c'était un problème. peu le problème de Justice League, c'est que tous les arcs avant, l'arc Amazo Virus, il est arrivé un peu plus tôt, ou voilà, peut-être que j'aurais mieux apprécié, mais. Et voilà, quand t'as presque 8 tomes, pas de vide, mais de trucs, on va dire très très fun, très décompressés, t'as envie d'un truc un peu plus dense, un peu plus Ouais. Non, intense. je comprends, mais l'arc en lui-même, je trouve pris séparément, il se lit bien, il est loin d'être honteux. Le Oui, après il y a eu pire, hein, c'est défaut clair. de cet arc-là, c'est qu'il était sorti en même temps qu'un arc très similaire sur Batman, ouais. Batman. Avec les zombies, ouais, aussi, ouais, c'est ça. Ouais, c'est clair. Ouais, mais après, ouais, voilà, c'est distrayant, mais voilà, y a pas vraiment de fond, quoi. Voilà, Non, quoi. c'est vrai, c'est du blockbuster. Le boss, il est cheaté, ils arrivent pas à le tuer, à la fin, il y en a qui trouvent la solution, voilà, enfin, c'est. Non, puis on nous utilisait la Dark Side Wars déjà depuis un moment, donc ça commence à être dur d'attendre, là. Ouais. Ok, on va passer à Green Arrow tome 3, Vinch, on t'écoute. Vinch? Ouais. Vas-y Kiki, on t'écoute. Green Arrow tome 3. Ok, alors je vais rejouer Green Arrow tome 3. Donc c'est La suite le du donc tome 2, ouais, je sais, vas-y. et même la suite du tome 1. Et donc c'est le dernier baron d'honneur des super auteurs qui ont officié dans 3 tomes sur cette magnifique série. Donc on arrive enfin à la fin de tous ces arcs qui ont été initiés. Donc voilà, moi j'ai vraiment adoré, parce que j'adore les dessins. C'est vraiment une patte graphique qui est à part. Puis le Sorrentino, scénario, ouais. ouais, et le scénario était vraiment top aussi. Les murs, On ouais. avait vraiment un truc travaillé, etc. C'est pas ce qui va arriver après, quoi. Donc là-dessus, j'ai vraiment été content. Le tome 3, j'ai adoré aussi, comme le tome 1, comme le tome 2. C'est vraiment top. C'est un peu plus faible, je veux dire, que le tome 2, qui était vraiment l'Outsider War, qui était vraiment génial. Mais sinon, voilà, je suis un peu triste de voir l'équipe créative s'en aller, mais Bah, j'ai été très content de ce tome-là. le tome, il est Et faible quand même, hein. Déjà, on dirait une BD d'Astérix. On dirait qu'il y a 40 pages. Quand j'ai vu la ouais, c'est largeur vrai que du le tome bouquin, il reste plus grand ouais. chose, quoi. Maintenant, je parle du contenu, mais non, c'est sûr que si tu parles du contenu, si tu parles Ouais, mais de même le. l'édition est pas terrible. C'est vrai qu'il y a pas grand chose, qu'il restait pas grand chose à faire, en fait, après. Ben, ce qu'il fallait faire, c'est juste, tu rajoutais des pages dans le tome 2 et tu clôturais le run en 2 tomes, en fait. Parce que Secret Origins, c'est pourri, ça sert à rien. Futures End, pas vraiment une conclusion en fait au run quoi, c'est juste pour surtout Futures End, ils l'ont foutu dans 3 tomes différents je crois, donc dans Futures End tome 2 si je dis pas de bêtises il y est, non, le Futures End Green Arrow ils l'ont mis en kiosque, ils l'ont mis dans Green Arrow et dans Futures End en TPB, Ouais, ça, je l'avais la dernière fois, tu m'avais dit, parce que c'est un arc important. ouais, mais en fait non, je l'ai relu, en fait non, ça apporte rien en fait, donc il y avait juste en gros un voire deux épisodes à mettre en plus dans le deuxième et c'était réglé quoi. Ouais, bah, le tome sur Green Arrow a apporté quelques trucs pour Future Ends, mais c'est sûr que dans Green Arrow, Voilà, ça apporte même, pas grand-chose. ouais. Le run, il est trop bien, mais le dernier épisode, il est quand même, ouais, c'est un peu fait à l'arrache, quoi. Ouais, c'est sûr qu'ils auraient dû le mettre que si pour faire ils auraient dû faire une belle édition avec le tome 2 et Ouais. clôturer là, mais je pense que l'appât du gain a été plus fort. Et après même, je veux dire, l'épisode en lui-même, le qui clôture, c'est pas fantastique, quoi. Comparé au run, c'est pas, la fin, elle est pas magistrale, quoi, tu vois. Bah ouais, c'est qu'il n'y a pas non plus d'énormes fins en soi, quoi. C'est normal, ça de rester ouvert vu qu'il y a une suite qui est très merdique. Mais Ouais, je mais je suis veux même pas dire, sûr qu'ils vont le publier d'ailleurs. t'as des runs, ils se finissent, t'as une bonne fin, tu vois, là, la fin, les pétés en un épisode, c'est terminé, quoi, tu vois. Ouais. Tu trouves pas que c'est la fin, elle est trop abrupte? Ouais, non, pas. Non. Je me sens pas lésé, quoi. Ouais, non, j'irai pas si loin, mais je trouvais que il manque peut-être il aurait peut-être manqué quelques épisodes aux auteurs pour vraiment finir tranquillement. Après, je sais pas les histoires qu'ils ont eues ou quoi, avec DC, ou j'en sais rien quoi, je m'en fous même. Sais pas non plus, mais c'est vrai qu'ils sont partis précipitamment de chez DC, donc il y a peut-être eu quelque chose qui fait qu'ils n'ont pas pu clôturer totalement la série, mais voilà. Bon, Tu voilà, lis. c'est un choix d'Urban aussi d'avoir décidé de faire un tome avec quatre épisodes, quoi. Tu Cédric, toi, tu l'as lu ce run, non? J'ai lu le run de l'émir, je me suis arrêté après. Et je suis d'accord avec toi sur le fait que ce soit arrêté un petit peu trop rapidement là. Tout se règle dans la dernière issue, c'est un peu dommage. Au moins on a une vraie conclusion, mais ça va un peu vite. Ouais, c'est Mais une fin à la Geoff Johns, le quoi. run, ouais, mais le run est vraiment bien. C'est clair. Ok, bon ben Vinch, c'est toujours toi, hein. Injustice tome 2, année 2. Ouais, donc on clôture la deuxième année de Justice, donc avec la guerre des Green Lantern et de la team Superman avec la team Batman et le Sinistro War Corps machin qui s'en mêle. Donc voilà, on va dire que c'est ce deuxième tome, c'est vraiment de l'action bourrin. Il y a pas grand-chose d'intrigue, il se passe pas grand-chose niveau intrigue, comme je l'ai dit, en fait j'ai tout résumé, c'est le Green Lantern Corps qui arrive tout compris et qui dit qu'il veut défoncer Superman. Il y a beaucoup de morts, il y a ça pète de partout, je vais pas spoiler totalement la fin, même si vous en doutez un peu, mais voilà, c'est de l'hémoglobine, c'est de la baston, il y a pas il se passe pas énormément de trucs, il y a juste à la fin le l'annuel qui a introduit l'année 3 qui sera plus centré sur la magie, comme j'avais résumé l'année passée dans la partie VO. Mais voilà, ce tome-là, il est bien dessiné, c'est beau, c'est fun, mais c'est pas, faut pas s'attendre à une lecture. Toi, par exemple, Wally, qui n'a pas envie d'un truc un peu plus sérieux, c'est pas avec ça que tu vas trouver un truc sérieux, quoi. C'est la guerre, quoi. Ah, bah, de toute façon, j'avais commencé, je suis au tome 1 de l'année 1, moi, mais ouais, je vais continuer cette série. Ouais, c'est très bien, c'est très bon. Hein. Maintenant, c'est pas un truc, c'est un truc totalement décompressé. Ça prend pas la tête et. Ça dépend des tomes. Hein. Il y a des tomes, je pense que. Ouais, ça dépend des tomes, mais je parle de ce tome-là. De la fin, quoi. Sinon, c'est très bien réalisé et tout. Il y a des moments où tu te dis putain, pourquoi ils ont buté ce personnage-là. Mais ça qui est pas mal aussi, c'est il se passe plein de trucs et tout peut se passer. Quoi, t'as pas trop de limites. À part que Batman et Superman, les personnages principaux qui sont dans le jeu vidéo doivent survivre, mais il y a plein de personnages annexes qui sont quand même connus. Il arrive des trucs que tu serais pas vraiment imaginé, et ça, c'est pas mal. C'est le Walking Dead de DC, quoi. Tu sais pas qui c'est qui va survivre à la fin de la saison. Voilà, c'est à peu près ça, à part c'est un personnage sans trop, mais c'est ça qui est pas mal. C'est encore une bonne lecture, j'ai bien aimé, je suis content qu'on va avoir rapidement la suite, en plus, en VF. Les niveau des dessins, il y a un seul mec ou ils ont fait travailler tous les mecs du pays? Non, il y a pas qu'un seul mec, mais c'est pas comme au début, il y a le même auteur où les dessins sont similaires sur la plupart du volume. Ouais, c'est d'accord. C'est beaucoup mieux que l'année 1, ils ont fait un gros effort sur le dessin. L'année 1, c'était terrible, t'avais jamais même dans le même numéro, des fois, t'avais des dessinateurs qui changeaient, je crois. Ouais, t'avais 100 pages, le tome 1, 100 dessinateurs différents. Ouais, c'est ça. Ah bah, ça veut dire qu'ils misaient pas un franc dessus, quoi, et puis finalement, ça a marché. Au début, c'était simplement un truc qui accompagnait les jeux vidéo, quoi. C'est dingue, et voilà. Mmh. Ok. Voilà. Spectra, t'as autre chose à rajouter? Pas du tout. Bon, on va passer aux reviews comics VO. Ouais. Je devrais mettre un jingle, ce serait cool. Et donc, Spectra, vas-y, Justice League 45, Dark Side War. Et Vince, tu restes avec nous? Non, moi, je vais vous laisser parce que je ne suis pas encore là et j'ai pas envie de me faire spoiler à fond. Surtout que ça, quand je vois de quoi vous allez parler, ça a l'air quand même assez intéressant. Donc, je dis que je vais m'arrêter là. Ok, Vince. Écoute. Donc, bonne radio VO à tous et à plus tard. À bientôt. Merci, l'ami. Bon week-end. Merci, à plus. Merci, on t'aime. Salut, Vince. Salut. Ciao. Bisous. Goodbye. Bye. C'était une spéciale. Allez, ciao. Vas-y, Spectra. On t'écoute. Alors, Justice League 45, donc par Fabok, non, justement, par Geoff Johns et par Manapul et Buccellato ce coup-ci. Il y a Buccellato aussi qui... Ouais. Ah ouais, c'est lui qui fait les couleurs. Ah, ouais. J'ai pas capté. Vas-y. Équipe de remplacement de choc. Ça va être difficile de reviewer ce numéro sans spoiler. Bah vas-y, spoil, spoil. Donc, bonne grosse bannière spoil, hein. Vous êtes prévenus comme ça. Donc, Darkseid est mort dans le dernier épisode. Et là, en fait... Non, pardon. Comment? Tu l'as lu aussi, Cédric? Ouais, je l'ai lu. J'étais plus sûr d'un coup. C'est le mec qui a mis sa journée. T'es. Ouais, et Fabok, il est pas là, en fait, parce que sa femme, elle a pondu, je crois. Donc, il doit être en congé maternité ou quoi, un truc comme ça. Donc là, c'est Manapul qui le remplace. C'est ça, madame a enfanté. Donc, il a pris son congé paternité. Ah, c'est ça. On n'y perd pas au change, hein. Ouais, Non, franchement, non, on n'y perd pas au change. Alors, déjà, Fabok, c'est magnifique, mais alors là, par Manapul et Buccellato, c'est... C'est un autre délire, c'est cartoon, mais ça tue aussi, quoi. Ouais. C'est classe. C'est magnifique, leur flash, là, il est grandiose. Donc, du coup, en fait, ce numéro c'est essentiellement un numéro d'introduction, entre guillemets, pour développer le nouveau statu quo des personnages de la Justice League qui, tous, se transforment petit à petit en dieu. Ouais, donc le premier, c'est Flash qui se transforme en dieu de la mort, je crois. Ouais. Il y avait Batman déjà en dieu du savoir, ouais. Flash en dieu de la mort, Superman en dieu de la force, Shazam en dieu des dieux, Et puis on va pas spoiler la fin. Et après aussi, il y en a un autre truc, c'est que bah du coup ouais bah si, on va spoiler en fait, parce qu'on a dit qu'on allait spoiler, donc tant qu'à faire. Et donc on a Luthor aussi, donc qui était en train de se battre contre Superman. Il s'est transformé en dieu, je me rappelle plus, ou pas encore, Superman. Superman est ouais, dieu de la force. Ah voilà, pardon. Et donc du coup, bon bah il se met sur la gueule avec Luthor, et bon finalement Luthor il va réussir à s'esquiver, machin, et donc il va être récupéré par des gens d'Apocalypse. Apocalypse là. Et du coup, il y a une ancienne prophétie, machin, qui dit que un mec, un fermier, un fils de fermier, enfin en gros un mec comme Superman quoi, pourra amener un avenir radieux ou un truc comme ça sur Apocalypse quand Darkseid sera mort. Et donc Luthor, il se fait passer pour Clark Kent. Et donc du coup, ben il l'amène sur un espèce de d'hôtel. Et donc il y a le l'Oméga, c'est ça, non? Le signe Oméga de Darkseid qui revient, non? Si je dis pas de bêtises, voilà. Et donc, et lui, en fait, il devient le dieu de, je sais plus, il devient quoi, Luthor? Le dieu d'Apocalypse. Voilà, tout simplement. Donc ça, c'est marrant aussi, j'ai hâte de voir comment ils vont nous expliquer ça. Parce que la femme, elle lui dit que s'il a menti et que c'est pas vraiment, en gros, Superman, il devrait mourir. Donc, ça, c'est intéressant aussi, ouais, il y a du potentiel pour la suite, Cédric. Toi, t'as pas aimé, non? Ouais, j'avais beaucoup aimé l'arc avec la jusqu'à la mort de Darkseid. Ce numéro-là m'a, ah j'ai, comment dire, je trouve, ça va beaucoup trop loin pour moi. Ça va beaucoup trop loin, beaucoup trop vite. Chaque personnage qui devient un dieu, l'un à la suite de l'autre. Je tournais la page, je me disais mais qu'est-ce qu'ils vont me faire la page d'après? C'est pas possible quoi. Et du coup, je suis complètement sorti du comics. Oh, carrément. Ouais. J'attends de voir ce que ça va donner en fait, parce que c'est clairement, on démarre un nouvel arc. J'ai été très très déçu, mais peut-être que je vais être agréablement surpris par la suite. Mais là, j'ai fini le numéro en me disant mais what the fuck? Bah là, il y a un gros truc qui va arriver, c'est parce que l'anti-monitor, il doit réapparaître dans le prochain numéro, en fin de compte. Ouais. Donc ça, j'ai hâte de voir aussi comment, sous quelle forme, en fin de compte. Ben logiquement, sous sa forme de J'espère. base, en Mobius. Ouais. Ouais. Mais ben, j'ai pas plus. Ouais. Ouais, bah on a tout dit en fait sur ce numéro quoi. Parce qu'en fait, il se passe pas énormément de choses en fin de compte. Ah, il se passe beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. Mais Enfin, pour chacun des personnages, mais et voilà, c'est ça. ça se passe très vite. C'est ça, voilà. Y a pas de grosse explication, on va dire. Ça se produit pour chaque personnage d'un coup comme ça. Ouais. Le gros souci que j'ai aussi avec ce numéro, mais c'est le souci que j'ai avec DC en général en ce moment, c'est que c'est pas du tout en lien avec ce qui se passe ailleurs. Ouais, mais t'es dans la team Bunny, toi, c'est ça? Ouais, moi j'aime bien la, mais j'aime DC parce qu'il y a une continuité. Ouais, mais après, le truc, c'est que si tu fais la même continuité et que tu vas tout bricoler à la continuité, les mecs, ils ont les mains liées, en fait, ils peuvent plus rien faire. C'est ça le problème. C'est vrai, Donc là, mais enfin là c'est vraiment très très très différent de tout ce qui se passe ailleurs. Ouais, Ouais, après. enfin, je veux dire, au moins, chacun fait ce qu'il veut, chacun s'amuse. Et après, tu rattaches les wagons. Ah mais y a aucun wagon à raccrocher là. Après, à la fin, ils te diront que ça s'est passé avant le dernier arc de Batman ou après. Mais ben, c'est ça qui est bien. Moi, ce que j'aime, c'est que voilà, chacun fait ce qu'il veut. Et surtout, voilà, c'est le gros event. Il n'y a pas des tie-ins qui font chier sur toutes les séries. Donc un mec qui dit n'importe quoi, bon, par exemple, qui dit Flash, et donc qui est dans son histoire, qui veut à tout prix connaître la suite, il n'est pas emmerdé pendant un mois par un numéro tie-in qui va être tout à fait bidon. Pour Ça c'est ça, vrai, ça voilà. c'est vrai. Pour ça c'est bien, oui. Pour ça, ils ont créé six petits numéros bidons. Enfin, je rigole, je les ai pas tous lus, ils sont pas sortis encore, mais non, le mec qui kiffe Darkseid War, il peut se lire les six tie-ins indépendants des séries principales. Donc voilà, mais moi la continuité, moi je pense que c'est bien, mais il faut pas que ça devienne un fardeau en fait. Après, c'est que mon avis, hein. Ah, je suis d'accord. Il faut pas que ça devienne un fardeau, mais pour moi, il faut qu'il y ait un minimum de continuité quand même pour que je m'attache à l'ensemble de l'univers. Là, j'ai pas envie d'aller lire Flash, tu vois. Et tu verras après à la fin il fera un truc parce que Jones généralement il se débrouille toujours à la fin pour accrocher les wagons. Je me rappelle quand il y avait un arc du Justice League au même moment dans Flash il y avait le truc avec Grodd et à un moment donné il dit Flash il est pas là, il est en train de se battre avec des gorilles, tu vois. Donc je Ah pense que Jones à un moment donné il dira un truc quoi. Je pense. Après on verra, mais je ouais. pense. Alors, bah, rien que, enfin, si tu prends Superman, c'est pas le même personnage du tout de ce qu'on voit dans les séries Superman. Batman, c'est encore pire. Moi, ce qui me gêne avec Superman, c'est pas le fait que ce soit différent, c'est que c'est encore un méchant Superman, quoi, tu vois. Ça commence à me saouler. On l'a Ah vu dans Earth 2, on l'a vu dans Injustice. Ça commence à faire un peu Reddit, quoi. ouais. Mais après, ouais, je pense quoi. Mais après, Justice League, c'est le titre étendard, donc il se base sur le même statu quo permanent en fin de compte. Donc il va pas mettre des Gordon et tous ces mecs-là, quoi, tu vois, c'est. Je sais pas. Bon, enfin, on verra. Ben écoute, Cédric, tu veux passer à Darkseid War Batman? Je l'ai pas lu, moi. Ah, t'as de la chance. Ouais, je l'ai feuilleté, il y avait trop de trucs à lire, j'avais pas envie. Ah, pourtant non, ça se lit assez vite. Hein. Donc Ah ouais? c'est écrit par Peter Tomasi, donc c'est pour ça que j'ai pris le numéro. Aussi parce que j'aime bien la Darkseid War. Donc l'histoire assez simple, c'est Batman, qui est de Dieu du Savoir, rentre à Gotham Avec son et il bat en tombe. pax, ouais. Voilà, c'est ça. Et il tombe sur Gordon qui l'appelle avec le bat-signal. Là s'ensuit une espèce de discussion dans laquelle Batman explique son nouveau statu quo à Gordon au cas où on n'ait pas compris pendant 5 ou 6 pages. Donc en gros on n'apprend rien. Et Batman en gros explique à Gordon, bon maintenant t'es gentil, tu me laisses tranquille, j'ai du boulot, et il va aller taper du méchant, mais avec des méthodes un peu plus expéditives qu'avant encore. Donc D'accord. maintenant il se contente pas d'arrêter les méchants, il les punit après aussi. D'accord. Considère que le méchant ne doit plus pouvoir recommencer. Donc ça c'est la partie pas mal du numéro, c'est qu'à chaque fois il trouve des moyens de punir les bon, c'est les petits malfrats de Gotham avec à chaque fois des punitions adaptées à leurs crimes. D'accord. Et ensuite il décide qu'il est peut-être temps de se venger un petit peu de celui qui a tué ses parents. J'ai oublié son Joe nom. Chill. Joe Voilà, Chill. c'est ça, c'est ça. Et donc il va en prison pour lui faire un petit peu peur. Voilà. C'est un numéro pour moi qui n'apporte absolument rien, absolument rien. À part replacer Batman dans le contexte de la Dark Side War, mais vu qu'on vient de lire la Dark Side War, je vois pas l'intérêt d'un numéro qui. Ouais, qui ressasse, ouais. C'est un one shot en plus, je crois. Donc je crois pas qu'il y aurait une suite à ça. C'est one shot, ouais, il me semble bien, ouais. Je Ouais, vois c'est un one pas shot. l'intérêt. Il y a un cliffhanger qui appelle à lire Justice League 46, mais ouais, voilà, c'est tout. Rien d'extra. Pour moi, c'est vraiment anecdotique. Alors, je pense qu'ils sortiront un TP après, regroupant tous ces numéros-là one shot. Ouais, ce sera pas un essentiel à mon avis. Tu l'as lu aussi, Spectra? Ouais, bah le numéro était plutôt sympa, j'ai trouvé. Pas trop mal dessiné, ça passe bien. Ouais, il est correct, ouais. Dans le genre mainstream et tout, c'est plutôt cool. Après, le problème, effectivement, c'est qu'un one shot, et vu la dernière page, t'es un petit peu frustré à la fin, mais bon. La dernière page, c'est vraiment c'est du fan service au dernier Ouais, degré. ouais. C'est ouais, vraiment ce numéro m'a vraiment déçu. J'en attendais beaucoup. Je vois pas l'utilité de ce numéro. D'accord. Ok. On va passer à GLA épisode 4. Donc, bon, cette série, je l'aime bien. Pour l'instant, ça m'a pas déçu. Donc là, donc il y a pas mal de révélations. Et donc, on nous explique un peu le pourquoi de. En fait, tous les gens sont fans des espèces de dieux qui sont arrivés, du dieu kryptonien. Et donc, en fin de compte, on se rend compte, même si ça se dit pas, que y a un truc derrière ça qui se cache. Ils sont pas tous fans du dieu pour rien. Donc on va avoir quelques explications là-dessus. Après, il y a des personnages qu'on voit pas du tout, donc Flash on le revoit pas. Wonder Woman, c'est pareil, on n'a pas de nouvelles. Donc là c'est plus centré sur Batman, Superman, donc qui sont sur Terre. Et donc avec Bruce, il continue son enquête pour essayer de capter tout ce qui se passe. Et donc là Clark, c'est pareil, il enquête avec lui. Et donc là il y a pareil, il y a pas mal d'avancées dans l'histoire. Il y aura un twist assez sympa concernant Superman. Et on suit parallèlement à ça Green Lantern, donc sur la planète sur Krypton, il y a je sais pas combien de dizaines de milliers d'années. Et donc là c'est pareil. Là par contre ça avance un peu moins, on a quelques pistes, mais rien de concret quoi. Donc pour moi bah, c'est toujours aussi bien, c'est bien rythmé, c'est bien dessiné, même si je trouve qu'il y a des moments c'est un petit peu rushé. Donc ouais, pour moi c'est toujours aussi cool. Tu l'as lu aussi Cédric, il me semble. Ouais. On en avait déjà parlé tous les deux. Moi, ce que le gros reproche que je faisais à la JLA, c'est que ça ressemblait beaucoup trop à l'arc New World Order de Morrison. de Morrison, voilà. Ouais, Et c'est ça. avec ce numéro-là, on s'en écarte. Et j'ai trouvé ce numéro vraiment, vraiment intéressant. C'est vraiment un très bon numéro. Je suis assez surpris parce que j'attendais rien de cette série, mais en fait, très plaisante à lire. Et là, tu vois, il n'y a pas de continuité, pourtant, en fait, Ouais, mais c'est. là on le savait dès le début. Enfin, c'est que cette série-là, elle était prévue il y a 2 ans. Voilà. Je veux dire, le plus important, c'est qu'il y ait une bonne histoire, en fait. Ouais. Non, je suis Maintenant, d'accord, je suis d'accord. C'est une bonne histoire. Ça se lit bien, c'est très beau. J'ai pas vu de page rochée, moi, mais Ah ouais? Moi, je trouve que des fois, les visages de loin, là, c'est un peu moins détaillé, quoi. Mais bon, après, c'est... Bon, globalement, c'est beau. Toi, Spectra, tu l'as pas lu, celui-là. Non, j'étais trop occupé à lire Telos, je pouvais pas tout faire. Putain, t'as acheté Telos, sans déconner. Putain, t'as acheté Telos. Tu l'as même pas Non, scan. non, acheté... non, j'ai pas acheté. Ah, tu l'as pris en scan. Ah, Ouais. voilà. Putain, tu m'as fait peur. Mais t'as quand même Non, mais comme gaspillé. ça, c'est 10 minutes de ta vie, quoi. T'as gaspillé l'électricité pour rien, en fait. C'est ça, Ah, tu nous en parleras après. Bah, on te ouais. laisse sur ton personnage favori, Spectra, Batman 45. Eh ben ouais, Batman 45, du coup, donc dans le numéro 44, on laissait le Bat Gordon dans une situation assez merdique, donc comme on pouvait s'y attendre, il s'en est sorti, pour finalement aller vers une autre situation un peu plus merdique, mais surtout pour son statu quo. Pas trop, je vais rien dire de plus, je vais pas trop spoiler ce numéro que j'ai trouvé vraiment bien. J'ai trouvé que depuis le pseudo relaunch DCU, c'était le meilleur numéro de Batman qu'il y ait eu. Donc Ouais, non, je suis franchement, d'accord, je suis d'accord. il est on alors le numéro est un peu plus sérieux, en fait. On voit comment Snyder va ramener un peu le Bruce Wayne sur le devant de la scène, et le genre de Batman qu'on va avoir, qui sera bien différent de ce qu'on a pu avoir avant. Et puis bien la dynamique de Gordon, la façon dont il utilise son armure, et puis le méchant Bloom, je trouve qu'il pète la classe et tout. La colo, les dessins, il y a tout qui va, c'est ultra flashy, les cases d'après, tu bascules dans l'horreur. Non, franchement, j'ai bien aimé. Ouais, Cédric? Ouais. je suis d'accord. J'apprécie beaucoup le méchant Bloom. Snyder, il est beaucoup critiqué sur Batman, mais il a quand même créé la Cour des Hiboux et maintenant Bloom. Je trouve que c'est déjà deux belles créations. C'est un très très bon numéro. Voilà, rien de plus à ajouter. Je suis vraiment très satisfait de la tournure que prend Batman. Ok. J'ai hâte par contre de revoir Bruce Wayne dans le costume. Là, je pense qu'il est temps qu'on arrête avec Gordon. Je crois qu'on a fait le tour. Donc en gros, si vous avez aimé Batman ces derniers temps, vous aimerez toujours. Si vous avez détesté, vous détesterez toujours, je pense. Bah, le méchant, vraiment, je pense que on le voit pas encore beaucoup, mais je pense qu'il va valoir le détour. Ouais, mais je veux dire, au niveau de la bâtarme, armure Gordon, tout ça, là. Les gens Ah, qui... ça. Ah, mais Dans la série Batman, on le voit pas tant que ça, Gordon. D'accord. C'est vraiment bien partagé entre Gordon et Bruce Wayne, hein. D'accord. Depuis qu'on a eu le retour de Bruce Wayne, c'est plus du tout centré sur le Bat Bunny comme c'était avant. D'accord. C'est vraiment se priver d'un arc, du coup, qui risque d'être un des plus intéressants de Snyder, quoi. C'est quand même largement au-dessus de Death of the Family ou Zero Ah ouais, Year, je suis où vraiment d'accord, ouais. il maîtrise son perso, c'est les éléments qu'il met en place et tout. C'est ouais. Bah, je suis content d'être qu'il y ait quelqu'un qui apprécie. Vrai que généralement les gens ils aiment pas trop. Ok, bon ben on continue donc sur Batman, parce qu'apparemment vous lisez que ça. Donc Détective Comics 45, Cédric, on t'écoute. Oui, nouvelle équipe. Je retrouve mon petit papier. Tomasi et... Non, c'est pas Tomasi? Si. Ouais, j'ai pas noté sur mon petit papier l'équipe créative, donc Ouais, je mais ne. c'est pas grave. Tomasi, Takara et Sotomayor. Ouais. Donc la. Alors, les reproches que les gens font beaucoup avec la série Batman, moi je les fais clairement à la série Detective Comics depuis le début. Pour moi, on voit beaucoup trop le Bat Bunny dans des histoires pas très intéressantes, avec des méchants sans intérêt. Et là, on part dans quelque chose de complètement différent avec l'incursion de la Justice League dans le Detective Comics. Tout d'abord, la Justice League fait face à un problème, donc elle a besoin de Batman. Et donc, qu'est-ce qu'ils font? Ils décident d'aller voir Bruce Wayne. Mais là, du coup, c'est la Justice League continuité, quoi. Alors, Ah vraiment dans la continuité, ouais. Ah bah t'es chez Tomasi, hein, du coup, ouais. le mec essaye quand même de respecter la continuité, donc effectivement, c'est la All New Justice League. Parce qu'il y C'est a... dans la continuité, oui, mais ça n'a rien à voir avec la Dark Edward. C'est pour ça que Oui, non, mais j'hésitais. je veux dire, parce Ouais. que Dark Tower, ça, en quelque sorte, ça part pour le moment, mais là, c'est vraiment la Justice League actuelle, donc Superman en t-shirt, Gordon en armure, quoi. C'est ça que je veux dire, en fait. Bah, oui, sauf qu'il n'y a pas Gordon, justement. C'est justement toute l'histoire est là. C'est donc la Justice League a besoin de Batman, a besoin d'un Batman ou a besoin d'un détective. Donc ils vont voir Bruce Wayne histoire de voir où en est Bruce Wayne avec son amnésie. Et bon, je vais spoiler un peu. Et donc il décide en fait de ne rien lui révéler sur son passé et de le laisser tranquille à sa petite vie. Et c'est pour ça qu'ils vont aller voir Gordon, qui est aussi détective, donc ça tombe bien. Et essayer d'intégrer Gordon à la Justice League. C'est presque plus un épisode de la Justice League qu'un épisode de Detective Comics. D'accord. Je sais pas ce que t'en as pensé, Spectra. On voit beaucoup la Justice League, on voit assez peu Batman, et en fait, on voit Batman parce qu'il doit rejoindre la Justice League. Ouais, Spectra? je suis assez d'accord avec toi. T'as l'impression que Tomasi voulait écrire de son côté sa petite série Justice League, donc. Et ce qui se passe à la fin de l'épisode laisse à penser qu'on va vraiment assister, oui, à des épisodes de la Justice League et plus du tout de Detective Comics. Ce sera plus à Gotham. Ouais, d'accord. Donc du coup, t'as pas kiffé dans l'ensemble? C'est mieux. J'ai préféré ce numéro à ceux d'avant, à ceux de l'ancienne équipe. Après, c'est pas une lecture essentielle. Les dessins sont pas exceptionnels et l'écriture et c'est sympathique, voilà. Spectra? Du même avis. C'est bien écrit, mieux écrit, c'est Tomasi, donc il a un peu plus l'habitude. Bon, à réserver bah, ce coup-ci aux fanboys de continuité de Justice League. D'accord. On va passer au Batman et Robin Eternal 1, donc la nouvelle série hebdo en moitié moins d'épisodes que l'ancienne. Donc Spectra, on t'écoute. Donc Batman and Robin Eternal qui n'a de Robin que le nom finalement. Dans le sens où je préfère spoiler tout de suite, on voit pas Damian Wayne. Ah oui, mais par contre, on voit tous les autres. Mais par contre, on voit tous les autres. Donc, on a Red Robin, on a Dick Grayson, on a cette saloperie de Harper. Mais On a voilà. même les We Are Robin. De Enfin, pas dans le quoi? numéro 1, mais les We Are Robin, tous les nouveaux, là. Ah ouais, Oui We aussi, Are ouais. Robin. Ouais. Donc, en fait, t'as tout le monde sauf Damian. Parce qu'il avait dit, je crois, Snyder, il aime pas le personnage, donc du coup, bah, au moins, c'est réglé, quoi. Alors, c'est pas qu'il l'aime pas en fait, c'est que il a des mécanismes de transfert un peu particuliers parce que Damien lui fait trop penser à son fils Sans et voilà, il déconner. se sentira. C'est ça le Ah, délire? ouais, c'est ce qu'il a dit. Enfin, ça, c'est vraiment ridicule comme excuse. Il est pas bien lui. Oui, il fait un peu sa précieuse. Putain, son fils, il lui fait penser à Damien. Faut qu'il appelle Pascal le grand frère alors, parce qu'il est dans la merde. Sans déconner. Vas-y, on t'écoute. Donc voilà, on suit une vieille enquête de Batman et Robin à l'époque où Robin était Dick Grayson, un moment où ils enquêtent sur je crois que c'était sur l'épouvantail. Et à ce moment-là, donc c'est au moment où Grayson retourne aussi, alors lui dans le présent à Gotham City, maintenant qu'il est un espion et tout, et ils se font attaquer par des persos assez mystérieux, dont une certaine Cassandra, qui parlera aux gens qui ont lu Batman avant les New 52. Bah, spoil, hein, c'est le retour de Cassandra Cain, non? C'est le C'est retour de ça. Cassandra Cain, ouais. Voilà. Mais qui, comme les Pokémon, ne sait dire que son prénom pour l'instant. D'accord. Donc voilà, c'était un joyeux épisode de baston avec un ennemi énigmatique à la fin et un cliffhanger assez intrigant sur Batman qui fait quelque chose d'assez particulier. Ça donne envie Donc de se voilà. lancer. Ça donne envie de se lancer dans une hebdo. Franchement, le Batman Eternal, ça m'a suffi. J'ai lu le premier comme ça pour voir un peu. Ça m'a pas donné spécialement envie d'en voir plus. D'accord. J'ai oublié de dire que c'était scénarisé par Snyder, James Tynion IV et c'est Tony S. Daniel au dessin. C'est pas franchement dégueu. Daniel, il est bon. Tu disais, Ouais, Cédric? moi j'ai lu les quatre et ne continue pas parce que ça n'évolue pas. Ça reste comme c'est dans le numéro 1. Donc si vous n'aimez pas le numéro 1, et ça sert à rien de continuer. C'est une série très action, qui se passe dans un très courte période de temps. Alors par contre, Tony Daniel, il fait que le premier numéro. Ouais. Yanni Paquette, je crois qu'il le remplace après sur le 2, le 3, et le quatrième, c'est un autre cas, je sais plus qui. Donc c'est un peu le syndrome Eternal avec un épisode sympa, quatre épisodes sans intérêt, un épisode sympa, quatre épisodes sans intérêt. Ok, bah moi je comptais pas m'y mettre. Là au moins c'est sûr. Non, puis enfin Snyder, il nous les brise là, nous imposer un Harper Roy comme ça. Non, pas Harper Roy. Harper Row, ouais. 6. Harper Row, ouais. Ouais. Donc non, franchement, gonflant avec Bluebird. Ok, bah Cédric, Action Comics 45 avec un de mes dessinateurs préférés, non? C'est pas Howard Porter qui arrive sur le titre? Non, c'est Aaron Kuder. Ah, c'est le prochain Howard alors. Porter, il est sur Superman, mais il est pas sur Action Comics. Putain, t'as raison, j'ai confondu. Vas-y, vas-y, ouais, c'est ça. Ouais, Aaron Kuder, il est Voilà. bon quand même aussi. Ouais, non, c'est très sympa, le dessin est très bien, l'histoire, c'est autre chose. En fait, Action Comics, je l'ai lu, je crois qu'il est sorti en début de mois, j'ai dû le relire pour me rappeler ce qu'il y avait dedans, parce que j'avais complètement oublié, c'est dire à quel point l'épisode m'avait marqué, et je l'ai relu il y a 2 heures, et j'ai déjà tout oublié ce que j'avais dans l'air. C'est à tel point. En gros, Superman, donc son identité a été révélée, et il a plus beaucoup de pouvoir, et donc il vit plus ou moins caché, il vit plus ou moins caché, et il fait tout pour que son identité reste secrète. Il a un espèce de nouveau sidekick, je crois, qui est japonais, qui est pas très très malin, une star avec un ordinateur, et qui se fait hacker à la moindre occasion. Voilà. J'ai pas grand-chose à dire d'autre de plus sur ce numéro. C'est assez joli, mais il se passe rien en fait. D'accord. Il se passe rien. Non, Ok. c'est ça finit sur un cliff qui fait énormément penser à ce qu'on a vu dans Superman Doomed. Alors voilà. Je ne sais pas. Ok. Je sais Bon, pas si je vais continuer à lire la série. ouais. Je l'ai lu, le Action Comics 45, je te rejoins, c'était quand même très moyen, donc toujours très bien dessiné, mais alors l'histoire, c'est vraiment râler pas crête, Je quoi, sais donc... pas où ça va en fait. C'est Superman qui vit, enfin, Clark Kent qui vit sa petite vie dans sa cabane, et qui va. Ouais. J'ai le même problème avec la série Superman. Je sais pas si c'est pareil pour toi. Ouais, bah pareil, bah de toute façon là j'ai tout arrêté, là j'ai encore le Superman 45 à lire, mais je crois qu'après après c'est terminé, j'aurai plus d'abonnement parce que Ouais, c'est moi trop j'ai. parasité par ces espèces de crossover et tout, c'est chiant quoi. Ce serait mieux que les séries soient indépendantes les unes des autres parce que Moi, j'en lis un sur trois de Action et de Superman, parce Ah qu'en bah fait, tu lis ce qu'il te faut en fait, parce qu'il se passe rien, donc le problème c'est qu'ils ont commencé avec une situation, donc on savait qu'il était démasqué, mais on te disait pas pourquoi, il fallait attendre dans 6 mois dans une autre ouais. série et savoir pourquoi, et ce qui fait qu'en fait, ça devient très long, même si c'est pas long, et ça devient très chiant et très long, ça a été mal édité en fait, ils auraient dû faire Alors totalement différemment. au moins là, ça y est, Superman a rattrapé Action Comics. Donc on a déjà plus ce problème-là. Ouais, mais bon, déjà, enfin, moi, ce qui m'a fait arrêter, c'est ça, quoi. C'est ce truc-là, quoi. T'attends, pourquoi, machin, c'est chiant, en fait. Donc, je reviendrai dans quelques temps, je pense, là aussi, pour le prochain arc. Bah, Ouais. c'est le début d'un nouvel arc là. Hein. D'accord. Ah, mais, donc, sa situation n'a pas changé, c'est toujours le même statu quo, en fait. Ah oui, c'est toujours le même statu quo, mais c'est une nouvelle menace. Mais ah, le statu quo, je crois qu'on va l'avoir pour un moment. Hein. Ouais, moi, il me plaît, statu quo, mais après, faut voir que... Ouais, j'attends Si vraiment tu un veux si bon tu veux arc, quoi. commencer si tu veux commencer un nouvel arc, faut commencer là. Mais ce qu'il y a, c'est que l'arc commence à la dernière page en fait. Bon, mais je dirais la dernière page alors, ça marche. Ok, on va continuer sur une nouvelle série, donc Superman, Lois et Clark. Donc un premier numéro, donc qui fait office d'introduction et qui fait un lien avec Convergence. Donc on nous explique que suite à Convergence, Superman il était retourné pour arranger le multiverse pour pas qu'il soit détruit. Et donc suite à ça, ben après il s'est engouffré dans une faille et donc il a atterri comme de par hasard. Quelques jours avant la ou quelques heures avant la première bataille de la Justice League contre Darkseid, donc qu'il y avait dans le premier épisode de la série New 52 Justice League. Et donc on nous explique en fin de compte depuis toutes ces années il est là derrière, mais il agit un peu incognito. Donc il nous présente lui, il nous présente Lois, il nous présente leur enfant. Donc ça fait suite aussi je pense à Lois et Clark Convergence, la mini en deux épisodes. Donc ben je pense. Moi, je suis pas un... j'ai pas lu de numéro de Superman avant Flashpoint, mais au niveau de la caractérisation, c'est vrai que c'est assez différent du Superman de New 52. Il est moins fougueux, il est un peu plus vieux aussi, il est plus sage, on va dire. Donc, je pense que ça pourra plaire aux vieux fans de Superman. Voilà, c'est vraiment un premier numéro qui sert d'introduction. On nous tease une future menace. donc qui est, je vais spoiler, mais bon, dans l'ancienne continuité, donc le cyborg Superman, Hank Henshaw, là. Donc là en fait il est en train de retourner en navette sur Terre, et donc Superman il va aller guetter voir ce qui se passe pour voir si s'il a tourné ou qu'est-ce qui lui est arrivé. Donc ouais, un numéro super bien dessiné j'ai trouvé. J'ai pas dit les crédits, je crois que c'est Lee Wick au dessin, et au scénario c'est comment il s'appelle? Dan Abnett. C'est Dan Abnett, c'est pas Dan Jurgens? Ah merde. Attends, je vais vérifier. Ah, de tête, moi j'aurais dit Dan Abnett aussi, Bon ben alors, si vous voulez, on dit que c'est Dan Abnett. mais si ça se trouve, c'est pas lui. Un des deux, quoi. Ouais, donc un numéro bien dessiné, bien sympa, une bonne introduction. J'ai testé ça comme ça, et franchement, c'était cool, donc je pense que je vais continuer. Mais j'ai une question en fait. Pourquoi DC fait ça? Pourquoi sort-il des numéros dans l'ancienne continuité? Ben, en plus, je Est-ce l'avais que dit à t'as la l'époque. réponse à ça? Parce que Ben non, je pense par rapport aux fans, hein. c'est juste pour les fans. C'est après Convergence, ils se sont dit, ah, ça plaît aux fans, donc Je me on coupe va juste avant ressortir la des anciennes réponse, histoires. c'est bien Jurgens, Ouais, non, mais en plus, je te rappelle, je t'avais dit, Spectra, qu'après Convergence, ils allaient faire des mini ou quoi, et ils vont faire revenir les anciens personnages avec les nouveaux. Et toi, hein. tu m'avais dit, mais non, ils vont faire des histoires hors continuité avec les anciens personnages. Et donc, en Il fait, j'avais refont raison. ce que fait Marvel, Tu c'est m'imites en train bien. de faire Marvel en ce moment, quoi. Mais en fait, ils font tous en même temps. Mais après, je pense que voilà, ils veulent contenter les nouveaux lecteurs et puis les anciens qui font chier là, que dès qu'il y a un truc qui change, leur vie elle est chamboulée, quoi, tu vois. Donc ils Ouais. font voilà, ils font revenir Superman. Ils ont fait revenir quoi que je l'ai pas lu, donc je vais pas dire de conneries, mais ouais, je pense que voilà, c'est pour tous les pour apporter un truc à tous les publics, parce qu'apparemment il y a des vieux lecteurs qui sont barrés à l'époque. Donc j'en sais rien. Moi, je pense que c'est par rapport à ça, quoi. Je sais pas, ou peut-être qu'ils préparent une prochaine crise. Mais en attendant, moi, donc, comme je dis, qui n'ai jamais lu de continuité avant les New 52, ce numéro, il passe crème. Hein. Il passe crème, quoi. Donc, moi, je vous le conseille de tester. Ah, il est bien, franchement. Ouais. Ah, tu l'as lu aussi, ouais. Ouais. Bien, bien sympa et tout. Pourtant, j'avais jamais lu enfin, très peu de Superman, pré-New 52, et En plus, c'était agréable. ça fait du bien de pas lire une Lois en mode pétasse, comme dans Superman New 52. Là, elle est cool, elle est posée, tu vois. C'est cool, je trouve. Ça passe bien. Donc, je vous le conseille. On va rester sur Superman avec toi, Cédric, le 45, donc avec Howard Porter au dessin. Howard Porter au dessin et Jenny Luen Yang au scénario. Bon, alors toujours la même histoire, hein. Superman a eu son identité secrète révélée et il a beaucoup moins de pouvoir. Et tout comme dans Action Comics, en fait, c'est exactement le même comics, il vit de plus en plus caché. Alors là, tu l'as pas lu Spectra, alors je vais peut-être te spoiler un petit peu. Tu peux spoiler, hein, t'inquiète. Donc il tombe par hasard. Alors c'est vraiment, je sais pas comment il a été écrit ce comics avec les pieds, enfin c'est pas possible autrement. Mais Clark Kent tombe par hasard sur une espèce de, il a faim donc il s'achète un tacos et il tombe derrière le magasin de tacos, il tombe sur une espèce d'arène dans laquelle des pseudo-héros avec des pouvoirs s'affrontent façon gladiateur. Et avec mise à mort à la fin, et quand Superman voit ça, son sang ne fait qu'un tour, et donc il se sent obligé d'intervenir. Évidemment, il gagne le combat face au très méchant gladiateur. Et évidemment, la promoteuse de cette arène essaye de le recruter pour qu'il devienne à son tour un gladiateur. Voilà. Je crois que là, on a touché le fond avec Superman. Pour moi, ce numéro-là, Ouais, c'est bien dessiné au moins. Oui, alors c'est très beau, c'est très très bien niveau dessin. Y a rien à redire. Alors ce qui aurait été chouette en fait, c'était que Howard Porter dessine le run de Geoff Jones et que ce soit John Romita qui s'occupe de ce run-là. Mais c'est non, Tout c'est avoir. là, ce remplacer Geoff Jones par ce scénariste-là. Alors je le connais pas, je sais pas ce qu'il a fait d'autre ce monsieur, mais Des livres, non? Ou des trucs indés, ou ah des mais livres, un truc comme il ça. faut qu'il arrête les comics, hein. C'est pas possible. Au début, c'était pas mal, hein. Il était un peu sur la lancée de Jones, et là, ouais, apparemment, il est parti dans un délire, hein. Peut-être c'est la drogue. Ah là, le coup des gladiateurs, c'est bon quoi. C'est l'espèce de Fight Club du pauvre avec des personnages à pouvoir, mais avec des pouvoirs tout pourris. Ouais, non, je vois pas l'intérêt de cette série non plus. Enfin, Superman et Action Comics, je suis très très très déçu. Ok, alors on va poursuivre sur une autre série décevante, donc Flash, 45. Avec Venditti, Van Jensen au scénario, il faut être deux, hein, parce que. Bah, à côté de des Superman, le Flash, c'est génial, Putain, pas malheur. hein. Ouais, ben franchement, ils sont deux, mais ils devraient demander à d'autres gens de venir les aider, parce que même à deux, c'est pas terrible. Et donc au dessin, donc là, on a plusieurs personnes différentes. Donc il y a Brett Booth plus un autre, je me rappelle plus c'est quoi son nom. Et donc en fait, donc on a la suite. Donc Flash, il est dans son petit dôme, il est même under the dome. Et d'énergie rouge toute bizarre, de Speed Force machin et tout ça. Et donc là, la police, le capitaine, je crois que c'est Fry, si je dis pas de bêtises. Donc il en veut à Flash, machin, tout ça. Et donc chacun cherche une solution pour s'en sortir. Et donc c'est Wally West qui a la solution, mais tout le monde, personne ne l'écoute. Et donc finalement, ben Wally va les sortir du dôme. Et donc ils vont sortir du dôme. Et putain, et c'est fini. C'est ça, hein, j'ai oublié rien, Cédric. Ça Ah finit oui, comme ça. c'est ça. Ah. Voilà. 25 pages, il se passe que dalle. C'est le gros défaut de Flash depuis plusieurs numéros, c'est que tout ce qu'on voit dans chaque numéro peut être résumé en 3 pages, quoi. Il brode, il brode, il brode, il La brode. Venditti, il est terrible pour ça. Sur Green Lantern, c'est la même chose. Ouais, ben, vivement qu'ils se barrent, parce que, ouais, voilà, ça fait combien de temps qu'ils sont sur cet arc? Ça doit faire, Et quand tu liras l'ensemble en TPB, ça sera une histoire sympathique, hein, ça sera pas mal, mais en single, c'est juste, hein, c'est illisible. Hein. Ouais, mais il nous faut de l'enjeu, quelque chose, parce qu'en plus, avec Zoom, ça pourrait être cool, quoi. Mais après, Ah, même, les méchants qu'il a introduits sont pas mal, Zoom est pas mal, il y a du potentiel, mais c'est trop lent, c'est il se lent, passe rien, il se passe rien. c'est mal exécuté, même avec le père de Barry, quoi. Le mec, il le fait Ah sortir ouais, de tôle pour ça rien. c'est très très mauvais, ouais. Là, il lui fait construire une machine qui permet de voler les pouvoirs. Ouais, ça va, c'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. Faut arrêter. Donc, voilà, c'est pas terrible. C'est de pire en pire, même, je trouve, Flash. Moi, bon, j'arrêterai pas, c'est normal, mais. Pour moi, il y a encore des bonnes idées. Hein. J'aime bien Zoom et ses, comment dire, je ne sais pas comment les qualifier, hein, Les ses Rockbeats, hein? acolytes. Moi, je les trouve pourris, en fait, au niveau du Bah, design. non, oui, alors je suis d'accord avec toi. C'est mal fait, mais ça avait un bon potentiel. C'était une bonne idée, mais ça marche pas, quoi. Donc voilà, Flash 45, c'est pété, le lisez pas. Ensuite, Cédric Aquaman 45. Ah, le pire numéro du mois. Alors là, c'est juste, hein, il a pas le droit. Kenan Ben, il a pas le droit. Ouais, c'est Cullen Bunn, donc au scénario, comme on disait tout à l'heure, et au dessin, c'est qui, je Et sais au plus. dessin, c'est Trevor McCarthy, qui est le plus gros tâcheron de DC du moment. Alors, il est tellement mauvais, ils ont dû s'y mettre à 4 ou 5 pour l'ancrer. C'est les planches les plus atroces de chez DC. Même chez Image, ils en voudraient pas. Enfin, même. Chez Zenscope, je crois qu'il le Ouais, faudrait. je sais pas, vraiment non. Enfin, ce comics m'a énervé parce que l'arc d'avant, là on débute un nouvel arc, donc l'arc d'avant se termine, c'était un affrontement entre Mera et Aquaman, mais on se rendait compte à la fin de l'arc que ce n'était pas Mera mais bien sa sœur. Et à la fin du numéro 44, la sœur de Mera envoyait Aquaman dans un autre monde pour se débarrasser de lui. Et donc là, ce numéro-là se passe dans ce nouveau monde-là. Green Lantern, Aquaman débarque dans ce nouveau monde dans lequel il ne sait même pas s'il est encore sur Terre. Donc il se retrouve face à des bestioles qu'il arrive à vaincre sans trop de problèmes, et il se retrouve face à une espèce de peuple local dont il ne comprend pas la langue, mais vu c'est Aquaman, il est super balèze. Il arrive quand même à comprendre tout ce qu'on lui dit. Donc il comprend pas ce qu'on lui dit, mais il comprend quand même. Donc D'accord. voilà. Donc je sais pas si vous connaissez l'histoire de John Carter. C'est un peu la même histoire. Un terrien qui se retrouve sur une autre planète, qui comprend. Voilà, qui se retrouve face à des extraterrestres, et qui arrive à devenir leur leader. Donc c'est un peu ça l'idée de ce numéro-là d'Aquaman. Ouais, c'est Euh, bien cliché, quoi. c'est écrit en, je pense que Cullen Bunn a dû mettre 4 minutes à l'écrire. Ce qu'on disait au début du podcast, Cullen Bunn est pas du tout heureux sur le treat, et ça se voit. Il l'a pris complètement par-dessus la jambe, et il est en train de le saccager, quoi. Et ils ont mis un dessinateur qui est au niveau du scénario. C'est très moche. Je suis énervé parce que Aquaman, depuis le renouveau des New 52, était une série plutôt sympa. Même après le départ de Geoff Jones, ça restait correct. Mais là, faut pas acheter ça, quoi. C'est atroce. Ok. Bon, ben, on va finir avec toi, Spectra, Green Lantern 45, par notre ami Venditti. Eh ben, donc ça va toujours doucement. Donc, Donnez crédit vite fait. donc par Venditti, Tan, Héroïne et Sinclair. Ouais. Donc, en fait, Hal est en train de résoudre le mystère des planètes qui sont complètement figées. Et il s'avère que le coupable est, petit spoil hein, au cas où, mais en tout cas le coupable est Black End, qui allait tripoter le Source Wall. Et donc du coup, Hal va aller se confronter à Black End avec dans l'idée au début de l'aider, et puis finalement quand il va découvrir que c'est Hal Jordan, ils vont se foutre sur la gueule et voilà, c'est une bonne baston sur tout l'épisode. C'est dommage parce qu'en plus le Source Wall et tout c'était une méchante idée je trouvais avec Relic tout ça mais bon après ouais c'est s'il en fait rien et qu'il y a que de la baston hein. Qui écrit Green Lantern en ce moment? C'est toujours Venditti? Ouais c'est toujours Ouais, lui. ouais, ouais. Ah ouais. Après, moi, j'ai trouvé l'épisode pas mal, hein, c'est bien dessiné, c'est sympa. Je Spectra pense il que a c'est... jamais lu de Green Lantern en fait, il a commencé avec le run de Venditti. Ah ok, ouais d'accord. Ouais. Ouais. C'est peut-être pour ça que je suis un peu plus indulgent, mais en tout cas, non, enfin, c'est clair que ça se lira mieux en TPB. Ok, bon bah c'est pas folichon hein, ce mois-ci les reviews comics. Peut-être parce qu'on fait plus que d'habitude aussi. Ok, Ah donc là là, la Dark Edward et le Batman étaient pas mal. Hein. ouais, voilà, il y a des trucs qui relèvent le niveau quand Ouais. même. Hein. Ah, puis il y a Midnighter 5 et Grayson 13 aussi qui sont plutôt pas mal, Ouais, mais que j'ai pas. Omega Man 5 était très bien aussi. Spectra, vas-y, finis avec Telos, sale fou. Ah oui, bah oui, quand même. Ah, bah voilà, on parlait de lecture pas terrible. Là, je crois qu'on a la lecture du mois, donc Telos, le numéro Faudrait que je le lise pour comparer avec Aquaman, du coup. 1. Concours de lecture en boîte. Hein. Donc, numéro qu'on attendait parce que c'est un personnage auquel on s'était tous attachés dans Convergence, ne serait-ce que par son design déjà fantastique. Le sel du Donc, pauvre. Telos, toujours la même équipe de champions, hein, donc Jeff King. Au scénario avec Carlo Pagulayan au dessin et sur une Ah, c'est colorisation la de Dream Team de Pipe. Convergence, hein. C'est ça, on Ouais. prend les mêmes, on recommence. Ah, c'est que du Donc plaisir. à la fin de Convergence, Brainiac, qui était subitement devenu super sympa, avait expliqué à Telos comment retrouver sa famille, sauf que quand Telos est allé retrouver sa famille, il n'y avait rien du tout. Donc du coup, il a décidé de prendre un rocher, de surfer dessus. Et de se liloquer seul dans l'espace et d'aller défoncer la gueule à Brainiac. Et donc Brainiac, avec une explication peu convaincante, lui dit qu'il l'aidera à retrouver sa famille, mais que si, il va en découdre avec une intelligence artificielle créée par Brainiac et qui échappe à son contrôle. Et en fait, on voit à la fin du numéro que Brainiac, le fourbe, bah, il a encore trahi Telos. Donc voilà. Ils ont intérêt à se manier pour finir l'arc parce que je pense que ça va être vite vite annulé cette série. J'ai pas Ouais, vu c'est ce que les. j'allais dire, c'est prévu en 4 ou pas ça? Ah, Ouais, c'est une mini, hein, il me semble, en c'est une 6 mini? peut-être. Ah, c'est Ouais. une mini. Ah, ils ont prévu le coup alors. Alors, Putain. c'est dingue qu'ils aient fait revenir Telos, Ah, bah il nous a fait rêver, hein. quoi. Est-ce qu'il refait son speech? Non, il parle pas de ça, non, malheureusement. Oh, quoique. Non, non, non, on n'a pas le droit au pitch qu'on connaît tous par cœur maintenant. Non, il y a peu de références finalement à Convergence. Hein. C'est vraiment un épisode de baston et on voit aussi ce qui se passe sur la planète Méter. Non, sur la planète Colu, avec le grand méchant Computo. Il a appelé une planète Colu? Putain, mais mec, Ouais. t'as des mecs qui sont professionnels. Putain, mais laissez-moi écrire une série, quoi. Franchement. Ok, bon, donc c'est de la merde. Donc on déconseille à tout le monde. Non, ben on a fini. Vous avez autre chose à rajouter, les gars, ou on passe à ce que vous avez fait autre que DC ce mois-ci? On peut passer, hein, moi c'est bon. Ok, bah Oh, ben c'est bon pour moi on aussi. commence par toi, Cédric. Non, on commence par Spectra, faut que je réfléchisse. Bah, j'allais dire merde, c'est bien que tu commences par Cédric parce que j'ai pas grand chose en tête là. Bah, je peux commencer si vous voulez. Allez, Allez, vas-y. vas-y. Bah, moi, il y a Walking Dead qui a repris. La saison 6. Pour l'instant, il y a quoi, 3 ou 4 épisodes? Bah, pour l'instant, je trouve que c'est génial. Si ça continue comme ça, il y a moyen que ce soit la meilleure saison, parce que là, c'est carrément intense. On est passé encore un niveau encore au-dessus. C'est une tuerie, quoi. Il n'y a pas de temps mort. Il y a des mecs qui crèvent tout le temps. Franchement, c'est une grosse tuerie. Le dernier épisode, il m'a choqué. Donc, je vais rien dire, mais il m'a choqué. Donc voilà, c'est pour l'instant c'est ma série coup de cœur là jusqu'à maintenant. Après qu'est-ce qui a repris encore? The Oh, ça c'est de la merde. Leftovers. Mais c'est trop bien, The Leftovers. Leftovers, putain. Il y a Homeland qui a repris, c'était pas mal aussi. Ah, Ça se bah, passe. bon début de saison, Homeland, ouais. Ouais, une partie les trois quarts en Allemagne et une autre partie dans un pays en mousse là, au Liban je crois. Ouais, c'est ça au Liban. Voilà, c'est franchement c'est cool hein, une nouvelle intrigue. Ouais, c'est l'actrice elle est hallucinante je trouve. Quand elle joue la dingue, elle joue trop bien. Elle est je peux même pas penser à l'idée qu'il y ait des gens qui voient ça en VF, tellement ça doit être un massacre. Donc ouais, nouvelle intrigue toujours cool, même s'il y a quand même deux trois trucs qui m'ont un peu chiffonné. Cédric, le coup de la meuf, elle a refait sa vie en Allemagne. Comme par hasard, il y a un hacker qui fait fuiter des photos sur la CIA en Allemagne, et comme Ah, par mais ça. hasard Saul, il est responsable de la CIA en Europe et en Allemagne, tu vois. Je sais pas si t'as Ah, capté ça. ouais, bah ça, c'est C'est un peu des dommage. facilités scénaristiques du. Ouais, ils sont plus subtils que ça d'habitude. Bon, après, Ouais. hormis ça, c'est quand même, on s'envoie du lourd. Le mec qui a niqué sa vie, là, qui a joué dans Hitman. Comment il s'appelle déjà? Le pote à Carrie, là, comment il s'appelle? Tu vois de qui je parle, Cédric? Queen? Ouais, Quinn. Ouais, lui, je le trouve, il est génial. Il a trop Il la est classe énorme, c'est le d'acteur. meilleur Ouais. personnage de la série, lui. Ah ouais, lui, il est carrément énorme. Donc ça c'est cool. Et après, ben voilà, j'ai plus d'autres idées. Ouais, j'ai repris mes séries, mais bon, je vais pas en parler parce qu'on va se moquer de moi. J'ai repris Chicago Fire, j'ai repris Chicago PD. Mais je m'en bats les couilles, je m'assume totalement. How to Get Away with Murder saison 2. Ouais, c'est cool toujours. Je vous avais dit que j'avais commencé cette série. À la vache. Ouais. Ah, je vous en avais parlé? Ouais, c'est trop bien. Ouais, c'est trop bien. Du coup, j'ai dit je vais essayer Scandale. Et en fait, non, Scandale, c'est nul. Après deux épisodes, j'ai re-arrêté, quoi. J'en peux plus. Et dernier truc, j'ai fait quoi? J'ai testé la nouvelle série de Kurt Sutter, celui qui fait Son of Anarchy. Oh là là, T'as pas oh aimé, la Cédric? catastrophe. Ouais, j'ai pas poursuivi, hein. J'ai vu que le pilote pour l'instant, parce que j'avais d'autres Ah trucs. ouais, donc t'as pas aimé tant que ça alors. C'était cool, mais après j'avais d'autres trucs où je suis plus dedans, en fait, si tu veux. Donc du coup, voilà, j'ai pas repris, mais bon, le pilote, j'ai trouvé ça cool pour l'instant. Après, on verra quand je reprendrai, mais bon, vu que je suis d'autres séries en même temps, voilà quoi. Donc voilà. Et après, j'avais parlé que j'avais acheté des jeux vidéo le mois dernier ou pas? Je sais plus, qu'est-ce que Ouais, je crois t'avais que j'en avais acheté? parlé, Sniper Elite, j'en avais parlé, non? T'es tout Ah oui, l'Allemagne effectivement. entière. Ouais. À part ça, rien d'excitant. Donc, Cédric ou Spectra qui veut commencer? Je peux commencer, Cédric, si tu veux. Allez, vas-y. Ça y se rappelle. Ah, c'est bon, je me souviens. Alors du coup, dans les trucs sympas, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai commencé l'univers Marvel All New, All Different. Oh non. Moi, j'ai Donc, rien à dire. principalement avec les séries Spider-Man et le fameux Iron Man de Bendis, qui est la série phare de Marvel en ce moment. Et qui est plutôt pas mal, hein. Autant pour le Spider-Man, je suis un peu dubitatif, mais pour le Iron Man, franchement, c'est du bon Bendis, donc c'est plutôt cool. Ça Sinon, existe? côté, ouais, ça existe, ouais. Non, mais il a fait des bons trucs, Jessica Jones, tout ça, c'était, Ouais, enfin, non, alias, je troll un peu, il a pas fait que du mauvais, Bendis. Mais Iron Man, j'ai lu les deux premiers, enfin, j'ai lu le premier que j'avais trouvé pas mal, et le deuxième, j'ai lâché au bout de 5 pages. Ah ouais. Parce que pour moi, il retombe dans ses travers avec des dialogues qui n'en finissent pas, sans intérêt. C'est... Ça va, je reste accroché pour l'instant. Autant les X-Men, j'avais assez vite lâché, mais là pour l'instant, je trouve que ça passe. Sinon, côté indé, chez Image, j'ai lu Tokyo Ghost, que je conseille vraiment à tout le monde. Reminder et machin là. Et Sean Murphy, ouais. Sean Murphy. Qui est vraiment une bonne tuerie. The Leftover, ça a repris, donc je suis plutôt content. Et sinon, je pense que je vais rebrancher ma 3.6 parce que j'ai à nouveau un besoin vital de jouer à Mass Effect. Donc voilà. Mass Effect. Ouais. Mais t'as fini Last of Us au moins? Non, non, j'arrive pas. Mais qu'est-ce qui t'arrive? Je sais pas. Tiens, Last of Non, Us, mais je c'est vais. une tuerie, tu sais, c'est normal, Bah le non, mais. jeu est... Ouais. Non, mais le pire, c'est que je trouve vraiment super cool, hein, mais je sais pas. Bah, je vais essayer, je vais finir The Last of Us et Mais je normalement, reprendrai Mass Last of Effect Us, tu sais, après. t'as envie de découvrir qu'est-ce qui va leur arriver, tu sais. Tu tiens trop au personnage après. C'est ta famille, les mecs, c'est limite. Ça te fait Je pas crois ça que quand tu joues? j'ai Ah, passé trop de j'ai... temps sur The Witcher 3, quoi. Donc du coup, là, c'est vrai que j'ai pris Putain, une mais grosse dose de console en peu de temps. vous êtes pas fins, les gars. Vous êtes vraiment des bourrins. The Witcher, tu fais quoi? Tu violes des gens, tu tues des meufs qui t'ont rien demandé. Last of Us, c'est la vie, tu sais. tu t'identifies au personnage, tu veux les sauver et tout, tu sais. Non, tu t'es pas mis dans l'ambiance. Bah, moi, dans la vie, je viole, je tue des gens, donc, Je comprends pas, putain. Normalement, Last of Us, quand tu fais l'intro, tu as joué Cédric ou pas du tout? Non, non, j'ai pas joué, non. Tu vas l'acheter? C'est pas impossible. Tu l'achètes, mon ami, c'est le meilleur jeu de tous les temps. Non, franchement, après, c'est mon avis, j'abuse, c'est comme d'hab, mais la scène d'intro, quand tu te rappelles, Spectra? Ah ouais, non, mais la scène d'intro, elle est énorme. Non, non, mais la narration, enfin, tout est nickel, hein, dans le jeu, mais Et alors? je sais pas pourquoi, j'ai un peu de mal à jouer à la console en ce moment. D'accord, ok. Ah, t'en es où là, à peu près? Donc spoil, hein, du coup, pour ceux qui n'ont pas joué, mais on n'est pas beaucoup. Dis-moi juste l'endroit après, parce que si Cédric il veut le faire, t'es à quel endroit? Eh ben, je suis arrivé, je pars du Capitole, là. Ouais, t'es au début en fait. Hein. Début, voire moitié en fait. Ouais, par là, ouais. D'accord, ok. Ok. Bon, bah vas-y, continue. Hein. C'est Eh tout? ben, c'est bon pour moi, ouais. Ok. Bah Cédric, on t'écoute. Oui, alors The Leftovers, forcément, ça a repris. Alors j'ai du mal à être content à chaque fois que je vois un épisode de The Leftovers parce que c'est le genre de série qui te laisse plus triste que quand tu l'as commencé, mais c'est que ça reste quand même une excellente série, vraiment le haut du panier de ce qui se fait en ce moment à la télé. Et alors, ils ont dit pourquoi les femmes, elles fument des clopes et elles sont habillées en blanc et puis elles parlent pas. On n'a pas besoin de tout savoir pour apprécier. Ah bah voilà. Comme je disais, je vais faire une série télé, moi aussi. Je vais mettre des trucs chelous, mais je te dirai pas pourquoi. Voilà. Il y a Fargo, la saison 2, qui a repris aussi, qui est avec un cast complètement différent, une histoire différente qui se passe 30 ans avant l'histoire de la première saison, et pour l'instant, ça démarre très bien. C'est plus rythmé ou c'est aussi lent que la première? Alors, c'est très lent. D'accord. C'est le même rythme que le film avec la première saison. D'accord. C'est une série qui est basée vachement sur les personnages, sur les dialogues, plus que sur l'histoire qui avance très lentement. Bah, sans binge-watching, tu peux pas le faire en fait. Tu te tires une balle tellement c'est lent. Faut mater Ouais, un c'est ça, épisode de il faut temps le en temps, mater, quoi. c'est ça, ouais, c'est parfait parce que moi je suis à jour, donc je regarde un épisode par semaine. J'avais fait la saison 1 d'un coup et j'ai failli pas survivre, quoi. Mais après, c'était cool, hein. Alors, c'est vraiment une série de qualité, hein. Sinon, en autre série en ce moment, il y a Blunt Talk qui s'est terminé, la série avec ben, celui qui joue le professeur Xavier, j'ai oublié son nom. Oula, non, je peux pas t'aider. Bref. Donc c'était une série très sympa qui va être remplacée sur le même créneau là par la nouvelle série Evil Dead. Ash D'accord. versus Evil Dead qui commence demain. Ou non, aujourd'hui même aux États-Unis, je crois. Donc on l'aura. J'ai mon oncle d'Amérique me l'enverra demain matin. Mais je crois qu'il est déjà sorti en fait, il est pas passé Il est hier peut-être soir. déjà sorti? Ah, c'est Parce possible. que Non, ça... je crois que c'est ce soir qu'il passe. Je sais pas, sur Twitter, il y avait un Américain qui disait qu'il avait bien kiffé le premier épisode. Donc peut-être Ah que c'est d'accord, bah, peut-être. il a peut-être liké. Ouais, ou peut-être, ouais, t'as raison. Ah bah peut-être essayer de le voir ce soir du coup. Ouais, Si voilà. mon postier m'a livré la cassette. Sinon en comics indé, j'ai un coup de cœur là que j'ai lu cette semaine, Black Magic de Greg Rucka, qui est une énorme tuerie sur une policière qui a en même temps une sorcière et qui fait partie d'une société un peu secrète de sorcières. Très très très bonne série, très très beau. C'est mon coup de cœur du mois en comics. D'accord, ok. Et sinon, c'est à peu près tout. J'ai pas joué beaucoup à des jeux vidéo ce mois-ci, donc. Ah, j'ai oublié, j'ai testé une série, Quantico, sur ABC. Vous voyez? Bah, généralement, ABC, je regarde pas, ça, c'est pas trop mon trip. Mais c'est nul à chier, en fait. C'est la série policière avec l'actrice qui est Maxi Bonne, mais avec des jeunes recrues un peu en mode Grey's Anatomy, donc t'as l'espèce de, entre guillemets, un peu le boss avec l'équipe, et ça se passe à la CIA, ils doivent rentrer dans la CIA, et donc Et il c'est me pas... semblait que ça ressemblait un peu à Homeland, le Ah non, non, pitch, non, mais. ouais, non, en fait, non, non, c'est pas Homeland, en fait. Ça a rien à voir. Regarde pas ça, tu vas te crever les yeux. Et donc, en fait, ils sont dans l'école, et on dirait l'école, en fait, c'est la fac, c'est trop bonne ambiance, pas de pression, c'est la fête, quoi, alors que normalement, la CIA, enfin bon... Bref, c'est donc comme tu dis, ça a rien à voir avec Homeland. Et donc après, il y a un immeuble qui explose. Et donc après, la femme, elle doit essayer de savoir qui c'est parmi tous les mecs de sa promotion qui est le terroriste. Dit comme ça a l'air bien, mais en fait non, c'est nul quoi. Il y a un tas de clichés dans tous les sens. Il y a un tas de facilités dans tous les sens. C'est impossible quoi. Et du coup, je pense que ça va pas tarder à arriver sur TF1, vous verrez. Et ça va même cartonner. Mais regardez pas ça. J'ai plus d'exemples en tête parce que mais c'est vraiment nul. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Walou, bon, on en a fini, les gars. Ouais. Plus rien à rajouter. Bon, ben, merci Cédric, merci à tous nos merci auditeurs. De m'avoir invité. Ben, avec plaisir, l'ami. Merci à tous, et on se donne rendez-vous le mois prochain. Salut à tous, ciao. Ciao. Salut.